Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Podcast. Will Smith. Bravo. Adrien. C'est toi. Bravo, bravo. C'est vous. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, bonsoir. C'était un didgeridoo. Un peu. Un peu. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de charmants invités. Tout d'abord, elle est comédienne. Elle doit détenir le record d'apparition dans les vidéos YouTube des autres, avec évidemment la marque NordVPN et le jeu Red Shadow Legends. D'ailleurs, Aurélien, ta guilde préférée ? Les Osmosis. Merci beaucoup. Mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne avec Audrey et Red Shadow. Ah, tu vois, vous êtes deux. Oh, wow. Combo. Très beau feat. Ah, c'est la vidéo des légendes, un peu, on pourra dire. On l'a vu aussi à la télé, dans la Access et au Barato de nombreux étés. Oui, c'est également. Vrai. 2022 sera son année au cinéma, puisqu'on la verra dans deux longs métrages, à savoir wow. La traversée de Varande Soudjian et Le Visiteur du Futur, le film de François Descraques. Wow. C'est Audrey Pirot. Bravo. Wow, les gars, merci. Tu les as pas vus encore, les films? Non. T'as fait un peu de post-synchro? Ni l'un ni l'autre. J'ai fait de la post-synchro sur les deux, ouais. Et est-ce que, à vue de nez comme ça, un chef-d'œuvre ou une merde totale, les deux? En vrai, ça a l'air... en vrai, sincèrement, les deux ont l'air très très cool. Bon, assez de scènes pour être sûr de pas être coupé au montage? Oui, absolument. Bah, il y en a un, je suis vraiment premier rôle féminin. Donc, c'est vraiment Steam Good. C'est le film qui sort pas. Alors, ça peut exister. J'ai une anecdote. Alors, je vous la balance comme ça. Allez. L'acteur Adrien Brody était le héros de La Ligne Rouge. Et il avait pas fait beaucoup de films. Non, La Ligne Rouge. Mais si, mais c'est. C'est aussi un autre changé film. Changer la couleur non, de la ligne rouge de France. C'est des daltoniens. C'est pour les daltoniens, c'est un autre. Putain, on a tourné tout le film avec la mauvaise couleur. Bah, on refait, hein. Et donc, il devait être le héros de La Ligne Rouge. Il emmène ses parents, pardon, à l'avant-première. Et en fait, c'est Terrence Malick. Et Terrence Malick qui fait souvent ça. Il y a des gens, ils coupent beaucoup au montage. Et il n'était plus le héros. Il était vraiment un figurant, plus ou moins, dans le film. C'est il incroyable. A découvert ça dans la salle. Mais ouais, c'est terrible. Dire. Mais il y a plein d'acteurs qui ont été coupés. Il y a Mickey Rourke, il avait une scène. Il a dégagé alors qu'il était un peu connu, tout ça. Sandrine Bonner a été coupée de Titanic. Par contre, t'as pas été présenté, t'as pas le droit de parler. Non, si, mais je on suis pas tout, pardon. La traversée, après, c'est sur un bateau, donc c'est vraiment un huis clos. Ouais. Donc si on me coupe, ça devient, le film devient compliqué à comprendre. Et tu joues McFly ou Carlito? Mais tu connais les dates ou pas encore? Oui, ça sortira en juin. Pour la traversée ? La traversée. Et Visiteur du Futur, octobre. Oh, exactement. Oh, wow, magnifique, c'est dans tellement longtemps. Magnifique. Si la situation se le permet. Cela dit, c'est deux dates où normalement ça devrait aller. Ça ouais, devrait et puis aller. Maintenant le temps passe vachement plus vite, je sais pas si vous avez remarqué. Bravo. Bah, ça va venir comme ça. Comme t'as, ça. T'as vu le Covid là ? Ah ouais, j'ai vu, ouais. Ouais. T'as vu Stromae là ? Ouais, j'ai vu tout voilà, ça passe hyper vite. Ouais, c'est l'actu. Et c'est une actu qui fonce. Auteur, réalisateur et créateur sur internet, si certains couchent pour réussir, lui a fait plusieurs saisons à commenter des bêtisiers sur AB1 pour rencontrer Hélène de Hélène et les garçons. Il est aussi derrière les Il fait tout noir sur YouTube et d'autres vidéos dont le concept est de baiser le cerveau de Freddy Gladieux. Cette fois, il n'est ni en gueule de bois ni natou, c'est Aurélien Prévost. Ah oui. Merci. Ça fait l'orfèvrerie. C'est de l'orfèvrerie. Ah ouais. Ces petites présentations là. Il peut plus croire tout ce qui est marqué sur les murs, il peut plus voir la vie des autres, même en peinture, il est pas là pour les sourires d'après minuit, lui en voulait pas si ce soir il a envie d'une excellente sauce, c'est Adrien Méniel. Oui, bah oui. Bravo, mais c'est beau. Ah, c'est oui. Hein. Alors qu'il a un enfant et tout, il a pas le temps de faire ça normalement. Ah, je fais ça sur mon très court temps libre. C'est beau. Oui, deux invités au lieu de trois aujourd'hui, parce qu'on a appris, on avait un troisième invité, mais qui a hélas attrapé le Covid. C'était qui? Le mal du siècle. Il s'agissait de Stromae. Il n'a pas pu venir parce qu'il a le Covid. Non, secret Kass médical, Lankien, on peut pas dire. On peut pas dire le nom. Il Valentin, aurait dû faire moi et ne pas dire qu'il avait le Covid. Quel bêta. Mais comme d'habitude, nous allons commencer par les news du Floodcast. Oui. Un homme a trouvé une solution. Alors juste, il y a pas de jingle, mais c'est pas moi, je voulais dire. J'ai vraiment été très vexé que tout le monde insulte ce jingle. Donc il y a plus de jingle. Voilà, vous avez gagné. On va en refaire un tout. On en fait le direct peut-être, Adrien. On en fera avec Adrien. Ouais. La news. La news du podcast. Ouais, c'est mille fois mieux que d'avant. Un homme a trouvé une solution à ses problèmes d'érection. Mais hélas, mille fois hélas, il a pissé du sang 3 semaines après et son pénis a subi 5 opérations chirurgicales. À votre avis, quelle était cette solution? Pas miracle du coup. Oui. Et il s'est injecté. Il trouve une soluce 3 semaines après la soluce. Ça pisse du sang. Ça pisse du sang et est obligé d'aller à l'hôpital 5 opérations. Il s'est effectivement injecté quelque chose. Du béton dans la bite. Alors. Quelque chose qui durcit. Ouais, c'est quelque chose qui durcit. Ouais, non, mais je vais te l'accorder parce qu'on est vraiment pas loin. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait des travaux chez eux. Connaissez-vous la mousse isolante? Ah. Oh la vache. Oui, ah, ça gonfle. Non, qui... Alors voilà, voir... c'est pas possible. Pour les amoureux, pour les gens qui bossent à l'Euro Merlin. Parce que j'ai trouvé tellement vite que j'avais un petit doute, mais c'est pas toi. Non. Alors, je suis très peu bricoleur. Attends, excuse-moi. Alors là, c'est technique et c'est détail. Mais oui, cette mousse normalement est injectée avec un petit pistolet. Une petite pipette. Au bout. Oui. Mais comment il se la... Peut-être dans l'urètre, mais... Via l'urètre. Non, mais pas dans l'urètre. Ah si, si, si. Mais du coup, tu te bouches l'urètre et terminé, pas quoi. Pas dans l'urètre. C'est vrai. Enfin, tout, mais pas l'urètre. C'est un slogan, quoi. C'est un slogan dans les affiches de cours de récré. Il n'y a pas un schéma. T'as juste une énorme urètre. Un schéma de la bite. Non, un schéma de comment il a fait, genre bon, écoutez monsieur. Non, il y a un petit dessin animé, qui, je vais vous le montrer. Non, ils ont expliqué le site, j'ai vu sur RTL.fr, je cite mes sources maintenant, voilà, je vous le dis. Ah, c'est vraiment, on pompe toutes les grosses têtes quoi. Ouais, vraiment jusqu'au bout. Ouais. A été raconté par les médecins dans la revue Urology Case Reports. Alors, une revue à laquelle j'ai envie de m'abonner, parce que c'est que les problèmes de tub. T'as plus besoin de préparer les émissions. Ouais, c'est bon quoi. Le patient a confié au médecin avoir inséré une longue paille dans son urètre. Ah. La paille, l'équivalent de la, voilà, du Maxi Best Of, le coca du Maxi Best Of. Attention, il n'y a plus de paille. C'est vrai. Donc moi, j'ai plus les rêves. Il a rêves. Non, mais c'est peut-être une paille métallique, il est écolo, le mec. En bambou. Ah, ça fait mal. En vrai, je pense que ça fait moins mal une paille métallique qu'une paille en plastique avec les bouts coupants, là, les arêtes coupantes. Les pailles métalliques, tu vois, il y a un. T'es vraiment expert dans sur les deux cas, c'est vrai. Je vous garantis que ça fait moins mal, je vous le dis, d'expérience. On peut dire aux auditeurs, essayez chez vous et dites-nous. Franchement. Donc, oui, qui était attaché à une bombe de mousse isolante. Okay. Avant que son partenaire n'appuie par inadvertance sur le bouton pour déployer le produit. Alors, son partenaire. Oui, ils étaient deux sur le. Ils étaient deux sur le délire. Donc aucun des deux n'a dit peut-être c'est une erreur. Ouais. Non, mais moi ce qui me fait rire, c'est que enfin il a appuyé par inadvertance. L'Américain dit qu'effectivement c'était un accident. Mais tu peux pas mettre tout ça en place et dire oh non. Ah non, mais attends. Lui il fait croire qu'il voulait pas s'injecter le truc. Non, il dit que c'est un accident. Mais donc c'est comme le petit qui a raconté que son hamster dans le cul, c'était, il était plus baladé là. Non, mais c'est bizarre. On n'y revient pas. C'est une légende urbaine. Non, mais tu t'as dit que c'était pour remédier à ses problèmes d'érection. Oui. Du coup, lui, il dit que c'est pas pour remédier à ses problèmes d'érection. Il dit que c'était juste un jeu sexuel. Ah ben, je sais pas. Et que... Non, oui, c'est vrai que c'est appelons la personne, peut-être, directement. Non, mais apparemment, l'Américain ne s'est pas rendu compte tout de suite, puisqu'il a peut-être qu'il voulait juste. Oh, c'est bizarre. Non, mais peut-être c'est bizarre. C'était juste se mettre un truc dans l'urètre. Pour déconner. Peut-être enlève la bombe de mousse isolante qu'il y a au bout, je sais pas. Juste une petite paille, ouais, normal. Puisqu'il a attendu 3 semaines avant de se rendre aux urgences, il a décidé d'y aller après avoir constaté qu'il urinait du sang et ressentait d'importantes douleurs ainsi que des difficultés mictionnelles. Un petit mot que je vous apprends. C'est mon nom de famille. Il y a mictionnel. Je vous donne quand même la petite définition selon qui a, miction, c'est le fait d'uriner. Oui. La miction. Exactement. Mictionnel qui est lié à l'urination. Exactement. Mais putain, c'est fou. Mais c'est le mec. Déjà, je suis content pour lui qu'il urinait parce qu'il s'est quand même bouché. Moi, je pensais que ce serait bouché l'urètre. Oui, moi, sur le papier, je me dis ce qui isole un toit bloque un pénis. Non, mais c'est vrai. C'est un très mauvais isolant. Ça. Il est allé à Leroy Merlin d'abord. T'as peut-être croisé d'ailleurs. C'est vrai. Il a dit je veux le plus mauvais isolant. Non, il allait se plaindre. Il a dit non, c'est quoi cet isolant de merde? J'arrive quand même à pisser alors que j'en ai quand même 3 décilitres dans l'urètre. C'est curieux. Non, mais c'est un truc le calvaire de la maladie. C'est curieux. Très curieux. C'est farfelu, je trouve. C'est le slogan du podcast. C'est ce qu'a dit le médecin. C'est farfelu ce que vous avez là. Alors, je peux pas vous dire mieux. Une information que m'a envoyé Milnoa sur Twitter. Parce qu'en fait, les auditeurs peuvent envoyer des petites infos comme ça. Alors, et encore une fois, pas à moi. Arrêtez. Non, tu n'es plus sur Twitter. Donc non, mais il me les envoie en DM. Ah oui, à lui quoi. Il me les envoie en DM sur Insta. Arrêtez. Alors, si vous trouvez des infos un peu insolites ou marrantes, effectivement, soit vous me les. Alors, même en vrai, sur mon Insta, c'est relou, mais vous pouvez me l'envoyer sur mon Insta. Mais surtout, il y a le Twitter du Floodcast, FloodcastPod. Et oui, vous nous envoyez un message, ou alors vous me hâtez, mais vous ne hâtez pas Adrien, mais normalement Adrien n'est plus. Arrêtez de dans spoiler le doute, Adrien. N'hâtez pas Adrien, et vous m'envoyez à moi. Non, mais moi j'ai plus de Twitter. Adrien ne peut plus jouer avec nous, il a les infos avant. Donc mais ça, ne ça me ça les envoyez pas en DM. Je vous en supplie. Je vous en disant, conjure. Bon, je sais qu'il ne faut pas les envoyer. Façon, mais... Non, mais c'est vrai, à un moment, il faut dire, il y a quelque chose qui est dédié. Donc on utilise ce qui est dédié. C'est Twitter. La consigne n'est pas compliqué c'est là. Tout à fait dédié vrai. Barbelivien. Oh bravo. Et Flaubert, oui. Arrête aussi peut-être de raconter des anecdotes qui sont arrivées à Adrien. Ça va pas être spoilé. Le coup de l'isolant, j'ai essayé de faire semblant. T'as dit l'américain pour brouiller les couilles. Alors qu'on sait tous que t'es un américain. Bah c'est ça, je suis un carry des stages. Le bibliothécaire Graham Barker est dans le livre Guinness des records pour avoir collecté 22,1 grammes. Mais 22,1 grammes de quoi? De crotte de nez. Non, pas de crotte de nez, rognure mais on n'est pas si rognure loin. D'ongles, rognure peau morte. On est dans un monde dégueulasse. De cheveux morts. Pas de cheveux morts, pas de peau morte. Poil de cul. De chanteur cils. On a très peu du coup. Un bout du chanteur. De pipi. Non, pas de pipi. C'est 22 grammes. Oui, c'est plus. Des pellicules. Pas de pellicules. Oh, 22 grammes de pellicules. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Pas de croûte. Un truc du corps humain. Un truc du corps humain, exactement. De poils pubiens. Pas de poils pubiens. 22 grammes de poils pubiens, ça doit être énorme. Attendez. Ça doit être sublime. Parce qu'on a dit les ongles, on a dit les cheveux, on a dit les poils. Les dents ? Pas les dents. Mais ça doit être un truc qui est quand même très léger pour que 22 grammes c'est soit ça. Conséquent. Oui, c'est très léger. Est-ce que c'est de la, c'est du domaine mon de... humour. Oh, c'est du domaine dans de la cul. C'est du domaine de la pilosité ? Non, mais de c'est... la salive. Pas de la salive. Est-ce que on... la bile. C'est pas un truc que de la bile du Big Deal, d'ailleurs. Oui. C'est pas forcément un truc que ton corps produit. C'est un truc que ton corps, enfin, ça en réaction avec ton corps. J'ai voulu aider, c'est plus flou. C'est vrai. En réaction avec ton corps. Attends. C'est pas un truc que le corps produit. La non. sueur, ben ça produit. Ça. Non, c'est mais quelque pas. Chose... La sueur peut favoriser à créer ce truc-là. De l'eczéma. Ben, non, ouais. non, non. 22 grammes d'eczéma. Mais attendez, ah, une, c'est une, extrêmement. Une... De c'est pas facile, hein. Je peux me permettre de le dire, là, c'est pas, facile. C'est pas facile. J'ai l'impression qu'on patauge un non, petit peu. Non, non, mais attends. Non, non, non, non, ça va. C'est un petit truc qu'il y a dans votre corps ou sur votre corps. De la saleté, de la crasse, un juste truc. De la crasse. C'est lié à la crasse. De la poussière. Pas de la poussière. De la mousse. Ah, putain. C'est expansive. Vous êtes pas loin, vous êtes pas loin. De la. Tu sais le. Attends, du smegma. Non. Vous voyez ce que c'est le smegma. Bien sûr, il s'agit. C'est le fromage de bite. Le spermezan, selon nous. C'est vrai. Si vous prenez une douche mais normalement et vous dit... la faites bien, ça disparaît. Mais on en a fin dit les journée, peaux mortes. Enfin, c'est pas ça. Mais en fin de journée, vous pouvez avoir ce truc. Mais c'est les peaux mortes. C'est pas. Écoute. Bon, coup de merde en fait. Non, viens, on dit que c'est les peaux mortes. On dit que c'est les peaux mortes. On va pas y passer deux heures. Et bah ta saleté de la journée. La pollution. Non. Non mais 22 grammes de pollution. C'est de la saleté, mais c'est pas généré par le corps du coup. C'est quelque chose qui se dépose sur le corps. Oui, genre tes habits. Genre tes habits. Les bouloches. Des bouloches, oui. Les bouloches de nombril. Les bouloches de nombril. De ma nombril. C'est ça qui est compliqué, il s'est fait envoyer par UPS. Il les a récoltés pendant près de 26 ans. Alors, mais moi, ce qui me fait rire sur ça, c'est genre à quel moment tu dis allez, j'arrête. C'est bon, là, je crois. 26 grammes, je crois que j'ai, voilà, j'en ai assez. 22, à quel moment, 22 grammes. À quel moment tu dis je commence. Je vous montre un peu l'image pour nos amis qui sont autour de la table. Là, il a des petites bouteilles de bouloches. De, ah ouais. Des petites bouloches. Alors, de bouteilles. Pour les gens qui ne voient pas, il a l'air complètement foilier. Voilà. Bien sûr. Non, il a l'air sympa. Il a 45 ans, effectivement. Est-ce qu'il fait des gros yeux un peu, ouais. Rien à voir. Non, mais je vais pas le dire maintenant, ça a aucun intérêt. Bah, ah bon j'ai croisé un pote d'Aurélien sur le chemin en venant à Actar. Bon, il va bien et, bah, je sais pas, parce qu'en fait, il m'a vu et moi j'ai fait hey! Et il a tourné la tête. Donc j'ai fait ok, bah, peut-être qu'il m'a pas trop reconnu ou peut-être le qu'il masque, veut pas me parler et tout. Et en fait, il est rentré chez un fleuriste, je te le dis. Oh là là. Et du il coup, avait honte de rentrer dans un fleuriste. J'ai re-regardé dans sa direction. Il était en train de me regarder et donc j'ai refait. Et il a retourné la tête, donc soit il me hait deux fois, soit il était pas sûr que c'était moi. Ou, mais ou, après tous ces baskets que vous avez est-ce fait qu'on ensemble peut pas l'appeler là pour savoir ouais, que... peut-être lui, tu veux l'appeler. Non, ouais. Bah, arrête, s'il dit. Non, mais envoie-lui un SMS qu'on s'il dit, ouais, j'ai entendu plus. Ça le truc sur lui. Et on tout. Va lui envoyer un petit oui, mais texto. Au moins ça sera réglé. Oui, je lui envoie un petit message. Moi, 2022, les choses sont claires. C'est vrai. Est-ce qu'on a une bonne résolution cette année, Audrey Pirot, en 2022? Est-ce qu'on est déjà on est adepte des bonnes résolutions? Non mais si c'est parce qu'il m'aime pas, j'ai pas besoin de ça. C'est ça le truc. Non mais on te le dira différemment. Ouais, moi, j'ai une question, je verrai, regarde-le. Moi j'ai une question, est-ce que c'est la bouloge dans le nombril qui t'a fait penser au pote de Dorian? Pourquoi j'ai pensé à ça? Ouais, c'est vrai que c'est on parlait d'un gars chelou et non, d'ailleurs. Non, c'est parce qu'il a dit il a une bonne tête et je sais pas, je sais pas pourquoi, je me suis dit ah, il a de l'affection pour lui, affection copain le Victor, c'est ça? Exactement. Il a une bonne tête, ce mec-là, à collectionner des corps aussi, à mon ouais, avis. Ouais. Bah, c'est là où il les trouve, en fait. Ouais. Alors, c'est... Il dit, mais vous les trouvez où? Bah, les femmes que j'étrangle. Ah, on va peut-être... Vous avez un autre corps. Je lui envoie. Alors, comme ça, on croise Adrien et on le salue pas. Il est choqué. Alors, il a d'autres collections, Graham. Hein, qui répondent. Une assez simple. Et c'est drôle qu'il s'appelle Graham. Oh là là, oui. C'est vrai. 22,1 grammes. Ah là là, l'idée vif. Vient peut-être de là, d'ailleurs. Alors, il collectionne de timbres, ce qui, ma foi, somme toute classique. Combien voilà. Quel poids? Et alors, on ne sait pas, l'histoire ne le dit pas. Des sacs de boulangerie. Bon, plus surprenant. Arrête, non, Graham. Non, plus surprenant. Non, mais il a une maladie, cet homme-là. Alors, le dernier, attention. Des doublures. Alors, des doublures, non, parce que c'est moi qui traduis mal, mais les papiers que tu mets sur le plateau du McDo. Bon, oh c'est... vous savez le petit la nappe un peu. Enfin, voilà, tu devrais collectionner le papier protection. Les voilà. heures chez le psy. C'est ça que tu devrais collectionner. Oui, je le pense. Type, parce qu'en plus c'est hyper précis, mais suffisamment pour être curieux. Et après, encore une fois, le mot restera curieux. Non mais c'est le moins. Tu sais quoi, ouais. Je retire ce que j'ai dit parce que ça se trouve, bon bah, il trouve un équilibre là-dedans. Mais et comment et tu oui. sélectionnes les bah, je sais pas. Peut-être, je sais pas. C'est un truc qui, c'est ce que tu dis, tu vois. C'est à la fois assez farfelu mais en même temps assez facile à trouver, donc du coup il a son, ça lui fait un petit ouais. projet, un petit hobby. Moi les trucs de plateau je peux comprendre parce qu'il y a un non. peu un truc voyage dans le temps. Si si, il y a un truc genre ah oui c'est vrai, ça me donne des souvenirs. Bah, en fait, regarde bien ce petit papier de 98. Oui, ça prend pas de place que... en plus. Non mais oui, en fait je comprends parce que moi dans ma tête il avait les mêmes en plusieurs exemplaires. Non, en fait oui, il doit il y a un modèle unique. Mais et attendez puis, les gars, on change. En sait rien. Non mais c'est ça. Là on en sait rien. Les bouloches il a gardé. Les bouloches j'ai du mal à. Les bouloches rien sauf. Pardon. Malheureusement, mais je vois pas du mal à pas trouver ça creepy. On a une réponse. On a une réponse. Aïe aïe aïe. On peut faire le petit jeu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Moi c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai failli suggérer. Ah bah oui. C'est facile alors, à trouver. Soit c'était. Alors, c'est genre. J'ai pas sûr que c'était lui. Ouais. Non. Ah, il avait. Ça. Il était en trottinette. J'étais pressé. Non. Je le hais. Je l'aime. Je l'aime. Il s'est radicalisé et je ne veux pas le voir. Je l'aime. Dernière proposition d'Audrey. Je l'aime. Non. Alors, il m'a mourir. Tout simplement répondu. Ha ha ha. J'ai pas osé. Je pensais qu'il se souviendrait pas de oh moi. Oh. Mais comme quoi. Comme quoi oh, pardon, putain. Excusez-moi, j'ai le volume. Mais c'est normal, t'inquiète pas. C'est les pleurs de mon bébé. Dis-lui que je m'excuse platement. Non, si tu veux mais... lui répondre, oh, wow. Il écoute le Floodcast, donc tu peux lui répondre. Ouais. Tu peux bah lui du répondre. Coup, mais non, mais... C'est une belle histoire. Sûr, tu te souviens très oh, bien. Regarde, t'es gêné. Mais non, mais il a, oh, la... C'est beau. Il a la preuve que je m'en souviens, parce que j'ai envie parlé... De serrer la joue comme une tante, là. Ouais, tout va bien. Oui. Un rebondeur de génie. Alors, un vrai battant sur terre. L'ambiance est excellente. Excusez-moi, je peux vous dire un truc, en fait. Je suis venue alors que j'ai une écharpe dans le doigt, et ça va pas s'entendre de tout le podcast alors que j'ai une douleur. Mais tu veux l'enlever ? Je n'y arrive pas. Ah ouais ? Voilà. Avec les dents ? Donc, non ? Non. Je vous le dis. Okay. Là, je suis normale. Mais je peux péter un câble. Mais c'est pour ça que j'ai des petits moments de tension. C'est toi, quand tu vois, dessus, c'est le fait, bébé. Ça fait mal, mais t'aimes bien ou pas ? Moi, j'aime bien. Quand non, c'est juste que j'arrive pas à la retirer. Et gros SM. Voilà. Okay. Moi, j'ai un truc aussi sur le pouce, t'as vu ? On et est je suis peu... venue. Ah, comme wow. si je m'étais enlevé une écharpe. Moi, j'ai la mousse isolante dans la bite. Moi, j'ai le Covid. Allez, c'est parti. Donc, oui, il y avait une bonne ambiance. Je vais la gâcher. Voilà, sachez-le. Un médecin a tenté de vendre en NFT quelque chose d'assez glauque. Un singe. À votre avis, quoi ? Ah, putain, je crois que je sais. Tu l'as vu passer ? Alors peut-être juste Audrey une proposition et après on... Ah mais c'est... Oui je crois que j'ai... La radio... Une métastase. Une radio d'un mec connu quoi. Alors pas ah, non. Bah non, non NFT ça marche pas. Non mais c'est pas radio, oui non, donc c'est ça. C'est une radio. C'est une radio. Une radio d'un singe dégueulasse. Apparemment c'est une radio. Ah. Il l'a scanné en fait. Non non. Ah putain oui d'accord ok. Un je scanner viens de... C'est un scanner. Scanner. Est-ce que tu vois ce que c'est du coup ? Je crois que je sais. Alors tu nous le dis ou... Ouais. Est-ce que c'est... Vas-y. C'est horrible, hein. Alors, trigger warning, attentat, ouais, ouais. C'est ça, hein. C'est ça, blessé. Personne n'est pas décédé, mais. Ok, c'est une radio de quelqu'un qui a été blessé au Bataclan. Exactement, la folie du gars. Franchement, oh, vraiment, radier cette personne de l'ordre des médecins. Ah oui, suite. Je pense. Voilà, je sais pas si c'est un. Mais t'as pas le droit. Bah alors, c'est très étrange, c'est Mediapart hein, qu'on a parlé. Sur, attends, il a, ouais. Parce que tu dis, il a essayé de le vendre. Il a pas mis en vente. Bah, je crois qu'il ne l'a pas vendu. Non, il a bah, pas réussi, justement. C'est pas d'acheteur. Mon rêve pour 2022, c'est que non seulement il n'arrive pas à vendre ce NFT, mais qu'en plus il soit radié de l'ordre des médecins et comme ça il a tout perdu. Et puis peut-être on devrait que écrire un courrier peut-être. Non. C'est pas, je l'ai pas dit. Hein. Je te proposais. Non, non, oui. Non, quand même pas. C'est la radio, non. C'est la radio d'une patiente. Quelle une radio merde, qui aurait putain. Été mise en vente à 2 776 €. Contacté par Mediapart, oh, très peu en plus. Le médecin aurait éclaté de rire lorsqu'il a appris l'objet de l'appel. Cette image, je ne l'ai pas vendue. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de la vendre. Pas sûr de la vendre. Comment quoi ? Attends. Avant de vanter les NFT pour assurer par exemple la traçabilité des implants de prothèses, expliquant alors agir dans une vocation pédagogique pour intéresser les gens, le médecin avoue alors regretter d'avoir mis en vente cette image. Cette expérience n'est pas concluante, cela ne me satisfait pas. D'un point de vue éthique, je suis moi-même posé la question. Tout va bien. Si vous voulez me faire dire que c'est une erreur, c'est peut-être une erreur. En plus, ça m'a coûté de l'argent, c'est complètement débile. Voilà. Mais attends, quand il dit qu'il voulait le faire dans un but pédagogique, alors sur la radio, simplement songe. Une excuse de merde, oui, voilà. Enfin, voir la radio, de à quoi ça ressemble. Une... Non, mais... non, mais non. Mais effectivement, je crois, c'est non, je crois que c'est pédagogique parce qu'en fait, les NFT, on a la vue. Enfin, il y a le truc de les images de merde immondes dont les on a parlé. Les dessins de singes dégueulasses, voilà. Évidemment, les stickers de skateboard. De, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je crois que la technologie qui permet de faire que les NFT existent permet aussi de De faire une sorte de cachet, un truc électronique, ah oui, tu vois, pour dire ça c'est l'authenticité, tu vois, une sorte de brevet validé, d'authenticité, ouais, voilà, validé, un et truc officiel. Je pense officiel, que ouais. c'est mais c'est ce que t'as dit. Mm. Il a dit mais non, les NFT pour les l'authenticité des radios, machin, etc. Ouais. Et donc je pense que lui il voulait dire pas la vendre, ça peut servir à ça, je pense qu'il mais faut bien sûr c'est faire de les NFT parce que prends pas prendre une radio de toi à toi de ton bras, tu vois, prends pas une personne. Donc c'est très spécifique, c'est très spécifique. Va toi au Bataclan et après on en parle. Voilà, ça. C'est ça que tu voulais dire, Adrien. Adrien, je suis des choses très horribles. Ça marche plus, hein. Tu sais, c'est Aurélien. Hein. À cause du Covid, un étudiant a vécu un voyage assez insolite, à votre avis. Un voyage vers l'au-delà ? Non. pas si insolite, cela dit. Assez insolite. Ah, s'il est revenu, attention. Ouais, bien sûr. Allez, non, pas du tout. Bah, il est resté coincé quelque part. Voyage en hélicoptère. Moi, j'ai deviné. Ah ouais. J'ai deviné. Vas-y. C'est du covoiturage et ils l'ont mis sur le toit de la voiture. Pas du tout. Mais bien joué. C'est mieux. Moi, je propose qu'on passe à la suivante. C'était super. Est-ce qu'il était sur le... Il était à l'extérieur d'un véhicule. Non, il était dedans. Okay. Il était dedans. Est-ce que tout le monde, les autres étaient dans le toit, sur le toit? Non, les autres, il n'y avait pas d'autres. Il était dans les bulles là, dans les fêtes foraines où les enfants ils marchent sur l'eau là. Ils l'ont mis là-dedans parce qu'il avait le Covid. Non, il n'avait pas le Covid. Hein. C'est à cause du Covid qu'il s'est retrouvé dans ce voyage assez surprenant. En l'occurrence, il n'avait pas le Covid. Un train pour lui tout seul. Alors c'est pas le train. Un wagon pour lui tout seul. Un avion pour lui tout seul. Mais toi t'as Covid. J'ai gagné. Un avion. J'ai gagné. Un avion pour lui tout seul. Il a pris un avion tout seul à la manière de. Non, c'est un bébé tout seul. La meuf de Jean Goldman. Kai Fortiche. Attends, chaque fois je dis bien les noms. Hein. Mais il est Fortiche. Il est Fortiche. Il a pu s'étaler sur Fortnite. Plusieurs sièges pour dormir. Il aurait également bénéficié de nourriture et de collations à volonté. Seul le surclassement en classe affaires lui a été refusé. Attends, mais il était tout seul. Alors, dans l'avion. C'est fou. C'est fou. Horrible. Et c'est lui qui faisait l'hôtesse, le pilote. Non, il y avait tout ça. Ah, il était pas tout seul, tout seul. Ah oui, non, encore c'était le seul passager. Encore une fois, c'est faux. Mais il était le seul passager. 8 heures durant, quand même. 8 heures. Il avait pas fait un selfie durant, ouais. Et posté. Sans doute, à l'heure actuelle. À l'époque où on vit. Non, mais. Qu'a eu le Covid, non mais c'est vrai, il y en a pas en un qui a. Il a fait un TikTok entier, moi, ma pauvre Audrey. Ah voilà. Il a fait un TikTok entier. Je le savais. Oui. J'étais au courant. Mais d'ailleurs, t'as ta petite chronique réseaux sociaux, toi, Audrey. Là, bientôt, bien tu sûr. Nous parles un peu de ce que t'as déniché. Mais bien sûr, avec Vincent plaisir. Bien sûr. Et pour cause, point de bousculade ou de fauteuil trop petit, il était tout seul dans l'avion. Toi, t'étais tout seul dans le train quand t'es venu, c'est ça? Pas là, mais la dernière fois, oui, je me suis retrouvée toute seule dans le train du matin, mais avec une conversation lunaire, avec un. J'étais d'accord avec lui, malheureusement. Alors, est-ce que tu peux expliquer? En fait, je suis donc toute seule dans le train. Il est très tôt le matin, et donc moi, j'habite à Biarritz. Et dit de très tôt. Mais si. Et donc il y avait quoi? Ne m'engueule pas. Excusez-moi, les nuits sont courtes. C'est hyper aléatoire. Le temps est en beau. Plus du coup tes humeurs, je sais pas à quoi me référer. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Oh pardon, il était très tôt. Il était tôt et du coup je suis toute seule dans le wagon, mais vraiment seule, et j'ai le masque et je pars pour 4 heures de train, ce qui est long les amis, non, c'est 4 heures. C'est 4 heures. Pour travailler, mais moi le masque, je te jure, ça me en fait ça m'oppresse, d'accord? J'ai l'impression qu'on essaye de me museler. OK. Je vois bien. Et qui plus est, en plus ça me donne tu comparais ça à la Seconde Guerre mondiale, les camps et tout, ou quand même pas. Est-ce que ça existait, les camps? En fait, on a parlé, donc j'ai pas besoin de le dire. Et bref, donc en fait, sur 4 heures, je me dis, bon, peut-être que là, je peux m'économiser 2 heures. Malgré mon souffle que je sais non covidé. Bien je sûr. Sais que mon souffle est pur puisque déjà je vis recluse, je ne vois personne à part le des moutons. Bah là, excuse-moi, tu vois des gens. Oui, par mais exemple. Parce que c'est la première fois que je sors depuis le 1er janvier. Non, même pas Noël. Tu reviens du festival de l'Alpe d'Huez. C'était ma première sortie. Ma première surprise partie même. Bien sûr que non. Je te le jure, Adrien, regarde mes photos. Chaque jour. Mais c'est vrai, je vis seule avec des animaux. Et t'as pas à justifier à Adrien, si, d'accord? Si, si. C'est si. Pas le juge. C'est pas le juge c'est autour vrai, de merde. Cette table. Est-ce que tu le vois, un petit marteau dans sa main? Mais en fait, c'est mon côté première élève. Bien enfin, sûr. Bonne élève, ouais. Première de classe. Ouais. Ou comme une idiote. Donc je. Pardon, il a un marteau! J'ai un marteau! Ah, c'est séance, désolé, pardon, je me suis trompé. Si tu parles encore, c'est outrage. Non, mais. cela dit, je ne sais pas quoi faire. Je comprenais le ce que. Mais Adrien, je n'ai pas encore expliqué aux auditeurs. Ah, t'as mis, tu mets trop de temps. Non, je la coupe beaucoup. Non, c'est moi. C'est donc, moi. Tu as enlevé ton masque dans le train, c'est ça que tu donc, es en train non, de dire. Donc, non, non. Putain, j'ai envie de casser des gueules. Bon, allez. Je comprends. Donc, j'ai le masque. T'étais et là, je me dis. Tu dans un confort absolu, t'avais le train pour toi toute seule. T'es encore en train de te plaindre, c'est fou quand même. Mais ça me fait de la vapeur d'eau. Ça ouvre mes pores de peau. Et derrière, après, moi, je fais de la nègre à cause du masque. J'ai 35 ans. Tu sais à qui ça fait pas de la buée? À ceux qui sont morts du Covid. Ils n'ont plus de souffle. Vous savez que ça, c'est Fantasme 2 qu'on vous offre. C'est la suite. C'est vrai. Deux ans après. De tout le court-métrage de Léonore. C'est ça. C'est vrai. Vous l'avez en direct, c'est quand même cool. Et attends, du coup, j'ai... Fantasme, c'est quand même pas la dernière fois qu'on s'est vu. Non. Non, c'est et où quand même. Bah, j'en sais rien, moi. Bah, à l'anniversaire moi, de Flo également. J'ai eu mon anniversaire. En octobre, alors que je suis en juillet. Oh, je suis mort non, dans une semaine. C'est vraiment, je pense, la dernière fois que je. Mort cérébrale, moi, ouais, dans voilà. une semaine. Donc. Et donc, je, oui, si je peux terminer cette histoire, un moment qu'on passe à autre chose. La chronique anti-vax de Audrey. Et donc, j'ai mon masque et je me dis, merde, mais peut-être je peux le retirer. Et je me dis, mais non, je ne me vois pas le retirer. Mais je me dis, mais c'est complètement con, pourquoi je ne m'autorise pas à le retirer moi-même alors qu'il n'y a personne d'autre que moi. Voilà. Et je m'auto-dérangeais moi-même à penser à me dire, je ne peux pas m'exprimer en fait. Toi aussi, tu vas me museler. C'est ça l'histoire? Mais putain! Bon, allez, il y a des auditeurs, amuse-les! Oh, il est bon, il est bon! Je suis Baudelaire en fait! Et donc, le contrôleur arrive et je décide de lui demander quid du masque. Déjà, bien joué! D'autres gens n'auraient pas pris ce masque. Ouais, oui, voilà, attends. T'as demandé à. C'est une personne extrêmement délicate. Je me dis, que va-t-il me dire? Elle a sorti son ticket de derrière son masque, elle lui a donné. En plus, vraiment, j'ai vraiment ce côté, tu sais, bon élève, je veux pas qu'on. Je veux pas qu'on me dispute. Et du coup, je lui dit monsieur le masque vu que je suis toute seule et il me dit vraiment sa première phrase c'est que dit le texte. Oui. Oh. Ça j'étais pas trop aimé. Le ton j'ai pas aimé. Et je suis là genre et moi bah je lui dis qu'on n'a pas le droit de le retirer. Vraiment t'entends, j'ai 8 ans et demi à tu peu près. Tu tires un peu sur ton t-shirt. Ouais vraiment je suis mal et je me dis bah il a raison. Et là il me dit bah voilà et je lui dis oui mais je suis toute seule et il me dit non vous n'êtes pas seule. Là, il y a un silence. Et là, y a en plus, toi qui crois aux fantômes. Et je lui dis, c'est-à-dire ? Il me dit, eh bien, je suis là. Il y a des gitanes qui dansent derrière vous. Et donc, voilà. Et donc, en fait, c'était un peu une conversation lunaire. Non, mais c'était fou. Mais après, d'autres gens m'ont dit qu'ils avaient croisé, eux, des contrôleurs. Ils étaient tout seuls dans le wagon. Et le contrôleur leur a dit, écoutez, tant qu'il n'y a personne, oui, vous pouvez le retirer. Mais il nettoie les TGV entre chaque voyage ? Là, une question vraiment que je pose. Moi, je pense que tous les trucs où il y a oui, mais ils ont que 7 éponges toute la SNCF. Moi, je pense que tous les trucs où il y a marqué ce truc est désinfecté régulièrement, c'est faux, je pense. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais vu quelqu'un désinfecter d'un truc. Vu, moi. Ça, moi vu. Aussi, je l'ai vu. Dans le métro, je l'ai vu, moi, dis-toi. Ah, non, ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu. Mais il n'y a pas marqué dans le métro. Donc, ça marche. Ah, TGV, ils sont là. Ça nettoie. Non, mais moi, j'ai vu ça. Je sais plus où j'ai vu ça dans une. Ah si c'était au Auchan l'accueil du Auchan à côté de chez moi il y a marqué c'est désinfecté bien sûr que non je suis allé à la salle de sport la semaine dernière il y a même pas quelqu'un à l'accueil donc à la salle de sport il désinfectait pendant ce qui était un peu je comprends qu'il était cool pour le respect des règles sanitaires mais du coup il y avait vraiment de l'eau de Javel qui rentrait dans mon nez. Moi je vais dans une salle de sport low cost en mode résolution là et c'est à nous de le faire. Ah non, mais tu nettoies tes machines, ça c'est normal. Non mais ça c'est normal. Non, mais ce qui doit être bien, c'est que du coup personne doit le faire, j'imagine. J'ai vu un gars une fois pas le faire et je me suis dit. Moi j'ai vu un gars une fille, super programme quoi. Ouais c'est pas mal. Avec du ça va lancer un acteur Oscar. Les deux je pense vont être très bien. Mais non, tu nettoies ta machine quoi qu'il. Moi je le fais avant après. Mais les tapis de course sont séparés par des bien sûr. Ce truc qui marche plexi. Pas. Le plexi. Depuis à peu près 2 ans, on sait que ça ne sert à rien. Ça marche pas du tout. Ouais. Et là, les gars mettaient de l'eau de Javel sur le plexiglas. D'accord. Donc vraiment, je crevais sur place. C'est ce qui fait que j'ai pas perdu autant de poids que je voulais. Sinon, je serais. Non, mais ça sert pas à rien. Mais on sait maintenant que en fait, il va dans l'air. Il fait le tour. Il y a une aérosolisation. C'est un petit foufou le Covid. Et tu voudrais quoi en fait qu'on court avec des masques, Adrien? Franchement, dans la rue, ouais. Moi, c'est le truc... Non, mais moi, le truc qui m'énerve quand les masques étaient obligatoires dans la rue, c'est qu'on disait si vous êtes jogger, pas obligé. Ce qui est sachant pire. Que c'est les gens qui font et qui crachent par terre et tout. Bah, mettez 3 masques, putain. Surtout que, en plus, je pense que ça doit être très bon. Maintenant, pour rattraper le retard, si vous avez jogué pendant le confinement et tout, vous mettez 3 masques à vie. Non, allez, peut-être que ça t'augmente ton nombre de globules rouges, puisque du coup tu respires plus de dioxyde de carbone, ce qui doit faire en fait une augmentation de tes globules pour mieux transporter l'oxygène. Donc je pense que c'est pas mal. Ça va, Michel Chimès? Ouais, c'est pour ma chronique après. Pas mal pour quoi du coup? Et bah pour la santé finalement, peut-être. De quoi? De faire du sport? Avec ton masque? Non, pour le Covid. Ah, d'accord. Oui, ok. Vous êtes enfin d'accord tous les deux. C'est beau à voir. La fin de Fantasme 2. Tu veux qu'on 2. Se touche nos blessures de pouces? On l'a fait déjà, mais on peut le refaire dès qu'on est un peu d'accord. Comme des lycéens qui se mélangent leur sang. Toujours trouvé ça un peu dégueulasse. Le Covid, non? Le sida, oui. My girl. Une étude israélienne a démontré que les poissons rouges avaient une capacité qu'on ne leur aurait pas attribuée jusque-là. La mémoire. Laquelle? Non, ça, on leur a attribué pour il le parle. Coup. Non. Non, mais parce qu'on disait qu'ils avaient une mémoire d'une seconde. En fait, ils ont une folle, quoi. Non, ils ont. Non, c'est pas un truc avec la mémoire. Ils volent. Ils savent voler. En fait, quand ils flottent, ils hochent la tête comme ça, genre, eh bah putain, je me rappelle de ce que t'as fait. Un peu trop visuel comme gag pour. J'ai essayé de. Ouais, il était en slip, vous avez pas vu. Non, ils ont une capacité, je vais vous aider. L'odorat. Non. Non. Mais pas mais con. Très malin. Non, c'est une capacité qu'ils auraient sur Terre. La menuiserie. Si on les mettait sur Terre, ils auraient cette capacité. À respirer. Non, quand même. Ils ont des bras. On vient tous d'un poisson qui est sorti de l'eau. Et mais puis putain, qui c'est clair. Et c'est vrai, dans ce grand aquarium qui est une chatte. Pardon, excusez-moi. Je parlais plus. Encore ce bébé. La théorie de l'évolution, moi, mais. J'ai un bébé en ce moment. C'est pas de métaphore. Qu'est-ce qu'ils sauraient faire? Sur Terre? C'est chanter. Quand ils sont chanteurs, ils font la même chose pour oublier ses peines. Non, mais on est sur un truc humain. Ah ouais, voilà, petit indice. Ah voilà. Non, mais c'est dingue. Un petit sourire, ça coûte rien. Ça fait toujours plaisir. Le sourire du poisson rouge d'Amélie Nothomb. Non, c'est pas ça. On en apprend des deux belles. Ah non, mais tu sais que quand on coupe ce podcast, les gens font. Non, mais franchement, ouais. Bah, on marcher. Va de news en news. Pas marcher. Avancer, non. Moi, je refais la même que vous avez entendu. De la menuiserie, j'ai dit tout à l'heure. Je la refais, ce que j'ai bien aimé. Vous avez pas entendu. Pas ramper. Ah bah. Rouler. Non, c'est, on dirait alors, un mec de pompe funèbre. Pas ramper. Pas ramper. Rouler. Rouler. Tu t'approches de la bonne réponse, mais pas du sens. Oh non, j'ai l'impression que je vais les guider vers la bonne réponse alors qu'elle va m'échapper. C'est pas rouler, c'est pas ramper. Rouler les R. Faire des roulades. Faire des roulades. Imiter Fernandel. Non, ou faire le mort. Non. Non, mais rouler dans le sens. Un backflip. Non. Un salto. Je sais pas ce que c'est en vrai. Rouler dans le sens. Rouler dans la farine, quoi, les gens. Non. Non, c'est pas ça. Mais c'est. Escroquer des gens. Non, mais ce qu'il dit. Non, mais je sais pas. C'est pour ça qu'il dit faire le mort. T'as Julien Courbet qui appelle des poissons rouges. Écoutez, monsieur. Il a réservé il y a 3 semaines. Toujours pas arrivé. Vous étiez où il y a 3 semaines? Sur Terre? Comme par hasard. Un poisson? Je crois bien. Allez. Rouler, mais pas dans le sens. C'est une capacité. Rouler les yeux, genre. Je suis encore sur Terre, génial. Allez, génial. Alors, je nageais avant. Genre, j'avais des branchies. Non, c'est un truc. Branchie le. Bah, l'artiste. Bien sûr. Ah, je suis tellement content que tu l'aies eu. Je l'ai pas. Banksy. Attention. Ouais. On est en vous voyez tous les jours. C'est fou quand même parce qu'elle était à chier. Tellement à chier qu'on vous avez même pas pu imaginer que ça puisse être ça. C'est vraiment Florent l'a eu quoi. L'artiste. Apparemment c'est la seule personne que vous qu'est-ce que on peut revenir à ce sujet du poisson là s'il vous plaît. Et l'escroc. Qu'est-ce que peut faire un poisson? Un poisson, il sort de l'eau. Ouais. Peut-être qu'il faut qu'on le voit comme ça. Il faut qu'on soit en situation. Alors voilà. Intérieur jour. Voilà. Appartement. Salon. Voilà, appartement. Ouais. Le poisson. Là, tu sors. Ouais. Un bruit, ouais. Un bruit ouais, à queue, si j'entends. Et peut-être qu'il y a un quart de panique. Parce que tu dis oh non, et d'un seul coup. Daniel tourne son regard de la télé, détourne son regard de la télévision ouais. Pour le poser au sol et aperçoit Francis. Ouais. Francis un autre Gannou. Poisson Francis. Qui fait du MMA. Non, non. Daniel, c'est le mec dont, qui vit là. Il voit son. Non, mais il y a trop de personnages. Francis, le poisson rouge, trois, ça va. Qui est au sol. Oui. Non, il n'y en a que deux là. Mais non, mais on il s'en est... fout, il faut que tu il sois Francis. Ou pas il est éclaté au il sol. Il n'est pas éclaté. Non, enfin, sauf si c'est ça qu'ils peuvent faire. Il est éclaté. Non. Il est juste au sol. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait le. C'est peut-être tout con. C'est peut-être tout con. C'est la mort. Ils creusent leur tombe. Ils font bon balai. Foutu pour foutu. Le poisson rouge qui peut mourir. C'est bien, ça n'a jamais été. Ils creusent leur tombe. Ils font bon balai, terminé. C'est pas con. Moi, je suis pas du genre à emmerder les gens. Je sais que ça coûte une blinde les obsèques et tout. Je creuse ma propre tombe. Ouais, c'est ça, peut-être c'est régler tous les problèmes d'obsèques et tout avant de mourir. C'est comme ça que je veux partir, moi. On m'a posé la question dans le dernier podcast. Moi, je veux. Quand je meurs, tout est prêt, quoi. Déjà... Bah c'est genre je suis déjà dans le cercueil et tout, les gens ils font genre putain bien joué, on a rien à faire. Ma grand-mère elle avait rien préparé, bah putain merci mamie. 3 semaines à couvrir partout. Attendez, c'est vrai que c'est un gros boulot. Tellement chiant et ça coûte très cher. Bois préféré de ma grand-mère. J'en sais rien moi. Elle avait même pas de bois préféré. Bah non, je pense pas quoi. Putain. Bon, qu'est-ce qui peut ça c'est vraiment pas avancer cette histoire. C'est physique. Est-ce c'est, que c'est, on physique, va, c'est la roulade, j'entends. Non, non, non, non, parce que vous êtes sur des choses pas assez folles. Et oui, je vous le dis, vous êtes trop terre à non, terre. Non, mais c'est, ah, donc, c'est un truc physique. Se mettre debout. T'es prêt, le plus proche presque. Plomberie. Se mettre debout. Menuiserie. Non, pas se mettre debout. Chanter. Pas chanter pour oublier encore ah, une fois. Crier, crier, parler, vibrer, faire du son. C'est pas vocal. C'est faire du son. C'est faire une activité. Du mouvement. Non, c'est faire une activité. De la compta. À manger. Typiquement humaine. Même, je vous dirais un truc qu'on ne peut pas faire avant 18 ans. Boire de l'alcool. Se branler. Non. Conduire, conduire une voiture. Prendre la vue des voitures. Conduire une voiture. Je alors, savais, en plus. Attends, je pense que c'est le moment où Adrien va peut-être mettre ses poings sur ses hanches en faisant pfff, n'importe non, je quoi. Dis, oui, non, voilà, oui. Non, alors, bien sûr que n'importe quoi. Bon, allez. Dans ses travaux non, publiés. Non, mais t'as regardé Gumball et non, mais t'as vu. Bob l'éponge, ouais. Il galère à passer le permis, mais l'instructeur, c'est un poisson dans Bob l'éponge. C'est vrai, attends, ou pas on va ouais. Où là. Attendez. Non, mais on va où là. Genre, un poisson sort de son bocal bon, et il a une bagnole et des clés de bagnole. Juste, mais ça, bon, mais juste c'est des scientifiques qui ont découvert ça. Tout à fait. Alors, juste pour leur dire, il y a le Covid en ce moment, peut-être. Cherchez ça, en fait. Peut-être. Focaliser votre énergie, l'énergie là-dessus. Parce qu'au lieu de vos mensonges, vous êtes des non, enfants mais c'est en fait. C'est comme auteur. Mais non, bien sûr que non, ils conduisent pas une voiture. Tu vois, il y a un monde entre bon, Marc attends. Lévy et nous, il y a un monde entre eux et les gens contre le Covid. Moi j'entends ta colère, rien, sache-le. Ils travaillent je sur la le Covid partage. Avec des poissons et que d'un coup le poisson il a conduit. Ils ont fait, vous avez vu que c'est le poisson qui conduit. Peut-être. Je pense pas qu'ils se sont dit, attends, elle est où ma bagnole là où est ma Twingo. Explique-nous. Mais qui conduit. Explique-nous pour l'instant, je suis hors de moi. On t'écoute. Bah oui, j'ai envie de tout casser encore une fois. Dans des travaux publiés dans l'édition de février, donc là, vraiment il y a un an, de la revue Behavioral Brain Pardon Research, bon, examinée par des pairs, ah, les chercheurs de l'université Ben Gurion ont créé un dispositif faux permettant nom, à un gros poisson rouge nageant dans un aquarium, ah, un gros lui-même poisson rouge, placé, mais t'avais pas dit ça. Lui-même placé sur une plateforme roulante robotisée, non, mais n'importe de quoi, se déplacer. Non, mais bon. Lorsque le poisson rouge se rendait dans la partie avant de l'aquarium, le véhicule avançait. Et lorsque le poisson restait dans la partie arrière, le véhicule restait immobile, précisent les chercheurs qui ont mis en ligne une vidéo de ce singulier véhicule commandé okay, par un poisson. D'accord. Pour parfaire leurs recherches, les scientifiques israéliens ont placé une cible à l'extérieur du véhicule. Lorsque le poisson rouge parvenait à atteindre la cible, il recevait dans son aquarium 0,002 g de granules alimentaires en guise de récompense. Après quelques jours, le poisson a réussi à atteindre la cible sans s'égarer, peu importe son point mais de départ. Mais en s'égarant ouais, oui, Hélène Ségara oh, oui. Peu importe son point de départ et en évitant des cul-de-sac, souligne l'étude. Celle-ci conclut que le poisson rouge a la capacité de transférer sa représentation spatiale et ses capacités de navigation oui. dans un environnement terrestre. Mettez d'ailleurs sa nageoire. Oui, c'est juste de... qu'il est pas con le truc, sa vie en fait dans un océan, bordel de chiasse. C'est ce non, que mais j'ai... à un moment donné, c'est ce que bien dit sûr. Clairement, par contre, hein. Il dit ah, quand j'avance, j'avance. Ouais, ouais. Génial. Et par là, il a l'air d'avoir un problème et je peux mourir. Bah, peut-être je vais faire demi-tour et pas y aller. Bah, il s'adapte vite, le poisson rouge. Vous êtes pas... au courant que les dauphins, la nuit, ils s'endorment et quand ils se réveillent, ils disent putain, je suis où ? Et ils passent la journée à retrouver leur famille. Ah ouais, mais ouais. Il y en a c'est qui... ça, comme plus mon père. Le fait qu'ils ont été cancel il y a 3 ans, ça fait beaucoup pour les dauphins quand même. Putain, moi j'avais entendu. À cause d'Orelsan, hein, ouais, encore une fois. Moi j'avais entendu sur les écureuils. Pourquoi il y a des forêts ? Parce que les écureuils, ils cachent leurs noisettes en mode ok, je les mets sous terre comme ça, personne ne la prendra, ils se barrent et après ils oublient qu'elles sont là, ah ils non. se paument et du coup des arbres poussent. Et ils arrivent, ils disent génial. Mais c'est pas là que j'ai foutu mes noisettes, il y a des arbres partout, il n'y en avait pas un seul. Quel âge avait l'enfant qui t'a donné cette théorie ? C'est son enfant qui lui a raconté. Tu sais, les non, forêts, c'est des écureuils qui les. C'est l'écureuil qui me l'a raconté. Okay, ouais. Non, ah, j'ai une histoire de kangourou qui pour moi est l'animal qui me fascine le plus. Ah bah qui me terrifie le plus. Alors oui, peut-être. Vas-y. Mais ils ont quand même donné lieu à la rousse, t'es très toxique. Non, c'est que, en fait, t'as dit quoi? Tu écouteras l'émission. Okay. En fait, la femelle kangourou, elle a une relation d'amour. Ouais. Et, ils baissent ensemble. Kangourou baisse. Et là, donc elle développe un petit kangourou à l'intérieur de son petit vagin de kangourou. Bien sûr. Et quand, ça, c'est très court, genre ouais. la période, elle son est... Son utérus. Son utérus. Si on veut être... Et là, c'est la première je suis période. En anatomie féminine, parce que la dernière fois. Bon, bref, pardon. Et les femmes ont un urètre. Voilà. C'est genre 30 jours, je crois. J'ai toutes les informations. La gestation, sur mon... c'est 30 jours. Mais c'est genre très court. Oh et là, écoutez bien, c'est la partie vraiment qu'il ne faut pas, louper. À environ entre 2 et 3 cm. C'est telle une larve, d'accord. Là, il sort tout seul. Il sort de l'utérus. Ok. Et là, le bébé kangourou, qui est une larve, il va tranquillement dans la poche. Oh, attends, oh. Ça ne s'arrête pas là. Oh, putain, tu vas encore donc, te casser des. Là, il va dans la. Oui, j'ai envie. Il va dans la poche. Il se met sur une petite. Une petite tétine sur laquelle il s'accroche, d'accord, et il va manger. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, la femelle kangourou? Elle se dit, mais j'y retourne tout de suite. Où est mon mâle? Et elle là, rebaisse direct. Elle y va, exactement. Et là, écoutez après, bien la après, magie. Après, ils sont gaulés, les kangourous, mec. La, hein, la magie de l'animal. C'est vrai. Quitte à baiser un animal, autant baiser un kangourou. Bon. Okay, on reposera la question tout à l'heure. Non. Je sais pas si je peux clôturer la même qui n'est pas d'amalgame. Ça, bon. Et là, elle, donc, paf, ça réovule. Bien sûr. Et là, oui, c'est reparti, les paf, amis. Paf, ça réovule. Putain, on a deux épisodes. Et bah, figurez-vous, un personnage d'Harry Potter. Bon, je peux finir. Pardon, mais c'est drôle. Ça réovule, c'est un personnage d'Harry Potter. Pardon. C'est également le titre de cet épisode, malheureusement. Et là, elle a la capacité d'arrêter la gestation qu'elle est en train de son nouveau bébé. Elle l'arrête, elle dit de qui, attends, putain, merde. Hélène Zegara, de suite. Moi, j'ai pris le train toute seule. Un wagon. Non, un kangourou. On est sur le kangourou. Donc le kangourou. Et donc elle a son bébé kangourou qui a vécu une expérience incroyable de remonter jusque dans la poche. Il est accroché à la tétine. Jusque là, on était tous ok. Ensuite, elle paf, elle réovule. Ouais, d'accord. Paf, parce qu'elle a refait une relation d'amour. Et bah, elle arrête la gestation qui est à l'intérieur de son utérus. Elle dit, ah oula, attends. En fait, celle du bijou, nouveau bébé. Le nouveau bébé. Okay. Elle dit, attends, tout doux bijou. Là, celui qui est en train de téter, il grossit. Et quand en fait, attends, elle sait. Elle le met en pause, genre. Oui. Oh, c'est fou ça. C'est ce que je me tue à dire. Non, c'est ça, parce que la tu t'as dit, elle l'arrête. Elle l'arrête, mais en fait, elle la met pose. En pause. C'est génial. Elle attend que l'autre soit suffisamment grand. Dans la poche, et une fois qu'il est suffisamment grand dans la poche, elle dit ok, c'est bon, tu peux repartir. Mais t'imagines, ça serait incroyable. Trop pratique si. Non, on mais attendez, faire ça. C'est fou. Non, c'est quand fou. Tu dis, oh, putain, je suis enceinte, mais là. Pff. Ouais, ça m'arrange ouais, pas. Plutôt ouais, dans, ouais. Tu m'imaginais plutôt dans 2-3 ans, hop, bah, tu mets bon. En pause, ouais. Et après, dans le ouais, mais personne ferait d'enfant, je pense. Est-ce que tu mets en pause, mais comment t'as les inconvénients de la grossesse? Parce que c'est ça aussi. Ah. Le vomi, le machin, le truc. C'est un kangourou. Après, faut lui demander. Et puis c'est 30 jours. 30 jours de gestation, c'est... Oui, c'est rien. Ouais, c'est vrai. 30 jours max, d'ailleurs. C'est une bagatelle. Attention, parce qu'elle allaite de l'autre côté. Ah, les gros nichons de kangourou, là. Elle allaite son petit, bah, dans sa petite larve. Une petite totote de deux poches. Oui, dans la poche. Petite totote de poche. Ouais. N'hésitez pas à dire si cette anecdote elle vous est a vraiment plu. Bien. Ah non, moi j'ai adoré. Ouais, je trouve ça fou. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Eh, t'es Macron. Est-ce que vous savez pourquoi la Renault Kangoo s'appelle la Kangoo, du coup? Rapport à un kangourou parce qu'il y a un coffre, j'en on peut mettre idée. Plein de trucs, okay, d'accord. Mais j'aimerais oh, savoir merde. Mais oui, pour moi c'était le coffre, c'est genre la grande poche et grand coffre. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui savent. Par contre je sais, dites dans les est-ce que vous savez pourquoi la Twingo s'appelle la Twingo? Non. D'où vient le mot Twingo? Non, c'est pas ouais, ils mais... ont... Est-ce que c'est un truc qu'ils ont complètement inventé Non, c'est une compression de trucs. Où tu dis quel est le rapport. Alors twin jumeau. Non twin... Ego qui... C'est trois mots. Tout, in, go. Tout. Alors, tout attends, c'est trois mots français qui sont dans la langue française, mais c'est leur origine n'est pas. Alors, il y a twist. Oui. Parce qu'on peut, on pouvait, je crois qu'on pouvait twister les sièges. Oui. Non alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce mot. Twist and go. Hein, twist and go. Non. Il y a alors, go twist les meufs. De twist. C'est Nicolas Cantelou, je crois. Et go. Gotaga. C'est Pokémon Go. Non, c'est twist, swing et tango. Trois petites danses. Alors je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas le rapport avec une Twingo. Peut-être parce que c'était une citadine un peu mieux, je sais pas. Bon, au début, ils voulaient les faire danser. Facile à manier. Après, excellent nom, hein. Oui, c'est vrai, c'est très bon. Au final, on s'en fout de. C'est vrai. Bah, dis-lui que son anecdote, c'est de la merde. Non, c'est pas une anecdote. C'est pour dire, on s'en fout que au final, ça n'ait rien à voir avec une voiture parce qu'au final, ils ont créé un nom qui est cool. D'accord, ok. Oui, non, je retire. Je ne permettrais pas de dire, on s'en fout. Oh non, bah non. Non, c'était intéressant. Tu voulais dire un truc, je crois, Adrien, avant l'anecdote des kangourous, tu l'as oublié. Trop, ouais. Complètement, bien sûr. Non, bah, sais, aucun problème. Je me rappelle pas ce que j'ai dit il y a 10 secondes là. Non, mais moi t'as voulu qu'on demande quel animal vous baiseriez, mais. Ah oui, ouais. Oui. Je sais pas. Si vous deviez baiser un animal. Aurélien. Bah, c'est vrai que le kangourou il a un truc un peu humain. Enfin, moi j'en baisais peu avec le mien, mais. Ouais, non, ça. Mais moi on m'avait déjà. Mais vous étiez ensemble depuis 6 ans en même temps, ouais, sur ouais, la fin ça. Forcément. On m'avait déjà posé la question et j'avais donné une réponse un peu. J'avais dit genre un truc genre concombre de mer quoi. Ah oui. Parce qu'en fait ça fait un flashlight ouais, naturel quoi. Tu vois tu peux ouais. Mais en même bon, après temps, peut-être tu sais tues pas. L'animal peut-être ouais. Je sais pas et si et ça moi ça m'excite. Tue un animal en faisant Qui, non, si je devais vraiment choisir en partant. Mais ne rentre pas dans leur jeu. Tu vois bien que c'est un piège, Aurélien. On s'entend, Audrey. Tu peux le baiser. Non, non, c'est vrai. On est sur un animal qui est OK. La vraie réponse est aucun parce qu'on ne peut pas avoir le consentement. Si, si, un poisson, ça conduit et ça dit oui ou non. Ça peut qu'être. La bouche d'un et poisson. Et surtout, un poisson, ça oublie instantanément. Tu sais, les coilles. Le GHB fait partie. Non, les coilles. Tu sais, les énormes. Ah oui, oui. Oui, oui. Je commence à me faire l'idée un peu peut-être. Les là, coïts. Oh les coïts. Oh. Excellent. Moi quand j'étais petit, je kiffais sur une meuf dans les petits malins. Dans un dessin animé qui s'appelait Les Petits Malins. Et c'était des lapins. Ah oui, des lapins, ouais. Donc un lapin pour moi, je baise mais un lapin. Mais cela dit, il y a eu tout un truc. Ça va pas la tête. Jessica Rabbit aussi, c'est un lapin, non c'est bah non. Ah, je me rappelle elle est humaine, je me rappelle que de son nom, je me rappelle pas de ça. Elle est humaine. Non, mais je sais. C'est un dessin animé. En revanche, il est sans rire, ce mec, c'est un anglais. Et oh, tu roules à gauche. Il y a un vrai truc sur les lapins de notre génération, parce qu'il y avait aussi Lola de Space Jam. Qui ont fait une réduction mammaire dans Space Jam 2. Dans Space Jam 2, mais dans Space Jam 1, elle avait un regard un peu coquin. Pensé à elle dans la cabane. Oui, bien sûr, dans la cabane à branlette. Bah, elle avait fait des photos dans l'entrevue qui étaient ouf, ouais. Avec Marjolaine de Marjolaine. Tu pensais à Jessica Rabbit quand tu tastiquas la bite. Ouais. Je suis un rappeur. T'es Nekfeu. Je suis Nekfeu. Ouais, c'est ça. Nekfeu Follet. Un truc un peu. Comme tu... Vous avez eu des poissons rouges, vous, ou pas du tout? Ouais, je crois. Ouais. Ah ouais, mais c'est un truc qu'on a. Toi, pas toi, Audrey? Non. Non, tu te fais de foraine, tu sais, celui que tu as dans une poche. Moi, j'avais les japonais là qui ont les gros yeux. Qui sont noirs là. Vous voyez, vous voyez pas ces poissons là? Comme dans les Simpsons, le poisson mortel. Non. Peut-être, ouais, peut-être. Non, je sais pas, ça ressemble à des poissons rouges, mais ils ont des gros yeux globuleux. Mais gros yeux qui sont à la tête ou qui partent un peu sur les côtés? Ils confondent quelle était la première option? Ils sont accrochés à la tête? Bah oui, oui. Où ils sont à côté. Non, mais où il y a une petite extension et les yeux comme les escargots, tu vois. Ah non, c'est accroché à la tête, mais c'est très globuleux et un peu sur les côtés, quoi. Tu confonds pas avec une chauve-souris? C'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Elle s'est noyée très vite, d'ailleurs, du coup. Non, mais ouais, c'était ça. Ils sont morts. Morts très vite. De toute façon, vraiment, les poissons rouges, c'est terrible. Ouais, j'en ai une fois, ils sont vite morts et c'était dans les toilettes et je me disais, c'est un délire quand même. Voilà. Il y avait un dessin animé, je crois que c'est là-bas. Déjà à l'époque, il utilisait l'expression c'est un délire. Ouais. Il disait, mais c'est éclaté au sol ce dessin. À Las Vegas, une femme s'est mariée non pas à un homme, non pas à une femme, mais à quelque chose de plus surprenant. Une chaise. À votre avis, quoi? Pas un objet? Pas un objet. Elle-même. Pas elle-même. Une idée? Non, concept. Par contre, il y a une autre. Je l'ai pas, je NFT? Pas, non, le pas Covid. C'est pour ça que je dis ça. Je l'ai pas mis dans le jeu, mais il y a une meuf qui s'était mariée avec elle-même et qui a récemment divorcé avec elle-même. Parce qu'elle a trouvé l'amour ailleurs. Donc elle a dû divorcer avec elle-même. Est-ce que c'est mignon ou terrible, je sais pas. C'est terrible, mais philosophiquement, c'est un peu mignon. C'est genre... Peut-être elle aurait pu faire aussi le polyamour. C'est vrai. Et présenter la partie d'elle-même qu'elle aime à son nouveau compagnon. En fait, symboliquement, je trouve ça triste parce que ça veut dire genre, faut que t'arrêtes de t'aimer pour aimer quelqu'un d'autre, tu vois. C'est vrai. Exactement. Mais c'est ça, d'ailleurs. Pardon, la clé du bonheur, c'est ça, faut arrêter de s'aimer. Faut arrêter. Non, je vous le dis, non, mais n'écoutez pas les objectifs millionnaires, tout ça. Faut arrêter de s'aimer et considérer l'amour de l'autre comme un cadeau. Voilà, comme ça, un cadeau et comme la seule chose que vous avez au monde. De valeur. Ouais, bien sûr. Oubliez-vous, d'ailleurs. En règle générale, on peut conseiller ça aux gens. Oubliez-vous et voilà. Corps et âme. Comme à la personne qui a forcément plus raison que vous. Donc voilà, allez-y. Donc pas un homme, pas une femme, pas quelqu'un qui dit je ne suis ni un homme ni une femme. Non. Un concept, un truc, une idée. Le chat de feu vert. Une chanson. Animal. Non. Un animal. Le chat de feu vert. Ouais. Qui a très mal pris la pub avec Pierre Ménès d'ailleurs. Tu peux me répondre. Non, pas un animal. Pas un animal. Merci. Une chanson. Une chanson. Non, mais il y a le bébé. T'as pas une chanson. Seul, un film. Est-ce que c'est une œuvre? C'est pas une œuvre. Mais c'est quelque chose d'abstrait. Est-ce que c'est tangible? On peut le toucher? Non, on peut pas le toucher. C'est présent dans plein de choses. Tu remarqueras que j'ai donné la définition de tangible. Ouais, ouais. Mais c'est bien, un film, c'est pas une œuvre. En même temps, je suis un con. C'est pas un film, c'est pas une œuvre. Non, est-ce non, c'est tangible. Elle s'est mariée avec les bronzés 3. Bam. On pourra. Hein. C'est le seul film français qu'on peut se permettre. Je crois que c'est ça. Eux, ils le font. Hein. C'est une ambulance où tu peux. Bah, eux, ils peuvent, puisque le film a fait 15 millions d'entrées, donc c'est plus ouais, facile. Ouais, voilà, c'est bon. Ah bon? Ah, c'est un carton de ouf, les bronzés 3. Mais c'est pas possible. Mais je te jure, Audrey. Purée. Et ouais, mousseline même. Donc c'est pas une œuvre. Non mais j'ai donné un petit indice. C'est présent dans plein de choses. Oui, il a là, vous regardez autour de vous. Du sucre, y en de l'oxygène. A. Non. Elle s'est mariée à l'oxygène. Du bois. Non. C'est un matériau. Post-it. Ah non, c'est un truc. L'art. Elle s'est mariée non, avec l'art. Non, pas avec l'art. Mais on est sur la littérature. Non, pas un la littérature. Un lampadaire, un halogène, une bouteille d'eau vide. Mais tu vas pas tout énumérer, Aurélien. Ça va te prendre un temps fou. Et c'est un plagiat du Duel Suspect en plus. Donc arrête. Voilà. C'est vrai. Non mais donc. Avec une boîte. Non. Oui, c'est plutôt. C'est pas un objet encore une fois. Ah oui, merde. C'est pas attrapable. Gifle-moi. Non. La lumière. J'irai pas là-dessus. Non. L'électricité. Non. L'eau. Non. Courante. Non. Un frigo. Bah on peut toucher l'eau. C'est un objet. L'eau vraiment... courante, un frigo. Ce virage que t'as pris. L'eau courante. Je me suis marié avec l'eau courante. Je trouve ça ultra pratique. Tu veux un peu d'eau des chiottes? Ah non. Je peux pas. Je suis déjà avec l'eau courante. Monoxyde de carbone? Non. Sinon elle mourrait assez vite malheureusement. C'est vrai. Bah ce serait beau. C'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Est-ce que c'est... Tu dis que c'est pas tangible, mais est-ce que c'est quand même quelque chose de physique comme l'oxygène non, ou c'est vraiment juste conceptuel? Ah non, non, quoi. Si, alors dans ce cas-là, tu peux le voir. Ah. Et d'ailleurs, c'est même le sens que ça t'appelle. Un nuage. Et le c'est le soleil. C'est le étoile. Sens que ça stimule, c'est la vue. Tu peux pas le sentir, tu peux pas l'écouter. Mais qu'est-ce tu ne peux que c'est le voir. Ça, une mais... couleur, une couleur. Et voilà. Oh, mais à votre avis, laquelle? Le jaune, le blanc, non, le bleu, le non, vert, le rose. Eh, le rose. Ah, c'est girly. L'idée du mariage lui est venue il y a 2 ans grâce à un enfant croisé dans la rue alors que la couleur garnissait la tenue de cette femme. Ce dernier lui a demandé: tu aimes le rose, non? Bah si t'aimes tant cette couleur, pourquoi tu te maries pas avec? Faux. L'anecdote, fait... l'anecdote est fausse. La meuf a dit ça parce que c'était, je pense, la vraie raison est moins. Ouais, elle voulait épouser un mec qui avait un pull rose. Elle a dit: tu veux m'épouser? Il a dit non. Elle a dit non, mais je parlais à ton pull. Le mec a fait: mais arrête, enfin, ridicule, évidemment si, tu si, parlais si, à moi. Si. Non, bah tu verras. Je vais appeler Charlie Rose, mais vu qu'il s'est fait cancel, elle a dit non, la couleur rose, pas Charlie Rose. Oh, du tout, ouais, non, la couleur rose. Bref, au final, rien de plus logique pour l'américaine, bien sûr, qui lors de la cérémonie s'est dit en relation avec la couleur rose depuis plus de 40 ans. Oh. Pour sa cérémonie, hors de question que quiconque fasse défaut à son âme sœur, tous les invités ont été priés de se présenter en rose. Donc, où ils ont. Il l'a trompé, enfin je sais ouais, pas. Je sais pas. Ouais. Étant également présent, une casillacro, ils ont tous enfilé rose, son cum, enfin ouais. Son marié, sa un femme, gâteau, hein. Sa femme, femme, une bague rose et un nuancier avec les 5 nuances de rose préférées de la mariée en guise de représentant physique lors de l'échange des vœux. C'est-à-dire qu'elle un pantone. Elle s'est mariée à un nuancier pour dire voilà, jusqu'à ce que là, je ne sais pas ce qui, ce qui les séparera, parce que le rose ne mourra pas normalement. La mais, vue mais voilà. Jusqu'à ce que la si vue. Quelqu'un se propose à cette union qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais, ouais. Il y a la couleur verte qui s'est levée. J'allais dire la taupe. La couleur taupe. Vous avez vu d'ailleurs dans l'actualité, oh là je rebondis. Tu m'étonnes. Le M&M's vert n'est plus sexy. N'est plus sexy. Ah bah. Et donc aux États-Unis, levée de bouclier ouais. De. Excusez-moi, on parlait de Lola Bunny. Donc le M&M's vert n'est, pas plus, que, un peu, pas n'est, que, n'est plus un peu salope. Pas que le M&M's vert, il y a aussi le M&M's marron. D'accord. En fait, ils ont dégenré, non, c'est pas ça. Ouais, ouais, ils ont voulu dégenrer un peu les M&M's. Alors que le bleu, qui a le plus de toxines à l'intérieur pour qu'il soit bleu, alors ça, on te le met dans ton paquet. Oui, ah, c'est ça, vrai. On te dit, mais oui. Bouffe le bleu. Ouais, mais est, pour satisfaire mais tout le monde, mais il est gender fluid maintenant. Le M&M's jaune a dit, moi, par contre, je suis chinois. Pour équilibrer un peu mais le. Mais voilà, pour éviter qu'il y ait de polémique. Voilà, c'est ça, bien sûr. Je suis non, mais d'ailleurs, il y a. Putain, comment il s'appelle ce con? Un chroniqueur oui, républicain. Oui, je vois qui c'est. Je vais te le retrouver. Tucker quelque chose. Tucker Carlson. Chris voilà. Tucker. Tucker Carlson. Rush Hour. Il y a une vidéo où il est. Offusqué. En fait, c'est drôle parce que vraiment. J'ai vu la c'est vidéo un avec la. Trump total. Ouais, un mec horrible. Et conservateur et tout. Mmh. Et vraiment, la légende de la vidéo disait: je pense qu'il a envie de baiser le M&M's marron. Il disait: et eh ben voilà. Et donc là, on peut. C'est quoi le but? C'est qu'on soit plus du tout attiré. Du coup, il n'y a plus aucune attirance et tout. Et tu dis: mais mec, c'est des M&M's, calme-toi, quoi. Et vraiment. T'imagines le gars vraiment. Le M&M's marron, là, avec ses petites bottes, là. Donc parce ouais, que le M&M's avait des bottes. Oui, c'est ça. Et ils lui ont enlevé ses bottes. Des platform shoes aussi. Enfin, il y en a une qui avait des platform shoes et. Ah non, et mais. Mais dans quel monde alors qu'il devrait enlever le lait qui est dedans. Oh non, mais le bleu, la couleur bleue, s'il faut en choisir une, c'est la pire. Je signale que ce M&M's bleu n'existe pas dans tous les pays, car certains pays ont dit. En effet, c'est on trop va le confondre toxique. Avec du Viagra, ouais. Vous ne le mettez pas dans le paquet. Genre, il n'y a pas un colorant bleu sur Terre qui n'est pas toxique. Bah, en tout cas, celui des. Ah ouais. Je vais vous retrouver l'information. Et M&M's, ils ont dit crever. Okay. Non, nous, on préfère, je le mettrai dans ma chronique. Ok. Les gens ont dit, mais M&M's, changer de colorant. Ils ont dit, non, c'est celui-là qu'on veut. Désolé. Ouais, mais je te jure, je te l'enverrai sur Twitter. Non, moi, c'est marrant, j'ai jamais été capable de répondre à ces questions. Genre, vous avez une couleur préférée, vous? J'ai jamais trouvé ça bizarre. Là. Ouais, c'est compliqué. Tout ce qui est préféré, de toute façon, moi, j'ai du mal. On ouais, moi aussi, ouais. Ouais. Mais j'aime beaucoup le jaune. Ah! Moi, non mais elle, moi je me suis. Elle m'humilie. Non, la formulation. Gag, moi aussi et juste après. La formulation était quand même. J'ai dit j'aime beaucoup le jaune. J'ai pas dit si c'est ma couleur préférée. Oui. Non moi... mais tu l'as un peu dit genre. Allez, je vous l'avoue. C'est vrai que je dois l'admettre. J'aimerais bien baiser un gros poisson rouge, un koi. Et j'aimais bien le jaune. S'il est jaune, ça m'arrange. Voilà. s'il y a un poisson jaune qui existe. Pas de couleur. Je le baisse direct. Bah non. Je peux comprendre quelqu'un qui n'aime pas une couleur, ça va, mais avoir une couleur préf, ça me dépasse. T'en as en même temps 800 sur toi. Hein. J'ai pas voulu choisir. Au Chili, un bébé né le 1er janvier a reçu un prénom assez particulier à votre avis. Alors, Jean-Louis Cass... Aubert. Enculé. Non, non plus. Est-ce que ça a un rapport avec le Covid? Non, aucun. Ça me plaît déjà. On a marre. Le Covid, on en a soupé. Hein. Ouais, il y en a marre de ce Covid. Le Covid. Hein. Ils disent ça là-bas. Le Covid. Pardon, un prénom en quel rapport pays avec une œuvre? Non, enfin, la Yoconde. Mais des vedettes. En quel pays il y a un nom original? Non, non, c'est des vedettes. Kanye West. Pas Kanye West, t'as dit quoi? Kim Kardashian. Non, c'est au Chili. Hein, ah voilà, c'est ça. Oui, enfin, ah, ils connaissent Kanye West. Non, non, non, non, non. Je crois qu'il n'y a pas la télé ni internet. Là. Un prénom original. Ah, les tocards. C'est au Chili, hein, donc c'est un Chicanos. Hein. Non, pas du tout. Julio Iglesias. Non, non, mais en plus, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce qu'en vrai, c'est pas du tout. Donald Trump. Non. C'est des personnalités françaises en plus. Mais ah, Marion Cotillard. Non, ce sont deux noms de famille. Samina Seri. Deux noms de famille. Deux noms de famille. Deux noms de famille qui sont du coup son prénom. Ah ouais. Alors attends, des sportifs. Ouais. Ah, des footballeurs. Mais comment t'as. Oui. Zidane. Non. Non, des actuels. Mbappé. Ouais, actuel. Il y a Mbappé dedans. Il y a Mbappé. Mbappé, Neymar. Non. Français les deux. Ouais. Mbappé, ah bah non, Givarche. Donc, non. Non. Non, mais tu as. Pogba. Non. Mbappé, joueur de l'équipe de France. Joueur de l'équipe de France. Mbappé Lama. Non. Les rêves. Loris. Je connais plus le joueur de foot. Putain, ça y est. Mais c'est fou. Il est très connu. Ah bah. Benzema. Non. Bon écoutez, je vous le dis. Non. Ah, si. Ah non. Attends, joue, attends, merde. Attends. Tu nous as laissé galérer pendant des heures sur les boulages de nombril. Calmos les amis. Oh Griezmann. Oh le salaud. Il s'appelle Griezmann Mbappé. Pas si mal. Pas si mal. J'ai choisi Griezmann pour le footballeur. Ça j'ai bien aimé la précision. Et son père Mbappé. Pour la même raison, bah merci. Oui, A simplement indiqué la jeune maman devant les caméras de T13, le journal télévisé de la chaîne chilienne Canal 13, comme son mari. Je ne dirai pas son nom, il y a beaucoup de consonnes que j'arriverai pas à enchaîner. Le couple vit depuis 4 ans au Chili et sans surprise s'avère fan de foot et peut-être de la Corrèze. Pourquoi ? Eh bien, en effet, il y a deux ans, un bébé également prénommé Griezmann Mbappé était né à Brive. La justice française avait rétorqué le prénom. Soyez et chilien, le garçon était devenu plus classiquement Dany Noé. Dany Noé. Dany Noé. Mais là en France, t'as pas le droit. Peut-être t'as pire pas le droit que donner... Griezmann et Mbappé. Griezmann et Mbappé, beaucoup mieux. Sans vouloir humilier Dany Noé, bien sûr. Mais... Ultra stylé quand t'as 6 ans dans la cour de récré. Comment tu t'appelles? Griezmann Mbappé. Oh, trop bien. Après, plus tard, moins cool. Malheureusement, il s'appelle Griezmann Mbappé la bite. Son nom de famille, c'est la bite. Mais, clair. Malheureusement. Un petit dernier, voilà. Ah un bah petit oui, dernier. Non, bah oui. Voilà, alors, jusqu'au bout de la nuit. Adrien l'a peut-être vu passer, malheureusement. Oh non, Une sexagénaire. Je vais être sur mon téléphone. Une sexagénaire a voulu se venger de son ex-mari. Que lui a-t-elle fait subir? On me l'a envoyé. Arrêtez de faire ça, bande d'idiots. Et surtout en disant, bon, je sais qu'il faut pas te l'envoyer, mais là quand même, c'est trop marrant. Ah, bah non, ne faites pas du tout. Ah, il y a ça. Moi, c'est quelle horreur. Pire truc. Quelle horreur. Genre les gens qui me disent, bon, je sais que c'est chiant la blague de Black Mirror, mais bon là. Ben non, non. Tu sais, non, du coup, c'est fou. C'est, donc c'est un peu. Voilà. Elle lui a. À son ex-mari. Ouais, une sexagénaire qui a voulu se venger en lui faisant subir quelque chose. Elle lui a fait manger son caca. Non. Elle non. a couché avec sa grand-mère. Non. Elle lui a coupé la bite. Non. C'est un truc qui le. Comment dire? Oh, regarde, il est. Ah non, il aurait aimé jouer. Ah non, mais, Adrien, ah non, il est... mais écoutez, vous enlevez... fait. Quand vous faites ça, je vous le dis, vous lui enlevez le ballon des mains. Bah ça voilà, se voit. C'est ça, il ça a le sourire jusqu'aux oreilles. C'est vraiment heureusement que vous achetez énormément de merch. Ouais, vraiment. Sans ça, elle a pas sorti une sextape parce que ce serait pas cocasse. Ça serait pas très cocasse. Non, elle lui a fait. Écoutez, je peux vous dire. Ah oui, Michel Sardou. Elle l'a vu passer. Je l'ai vu passer. C'est Michel Sardou en question, le gars. Non. Elle s'est transformée. Dans les Landes. Dans les Landes, effectivement, elle l'a forcé à écouter du Michel Sardou. Je l'entendais depuis chez moi. À toute heure. Ah, genre ils vivaient encore ensemble et elle a mis du Michel Sardou tout le temps. Non, ils étaient plus ensemble, mais elle passait. Près de chez eux, elle mettait à fond du Michel Sardou dans leur maison pour les emmerder parce que lui il a refait sa vie. L'homme a refait sa vie, il est installé avec sa nouvelle compagne, mais son ancienne épouse n'a pas vu cette installation du bon oeil. Selon la presse régionale, afin de se venger, elle a entrepris de leur compliquer la vie au quotidien, d'où la diffusion à toute heure et de façon très bruyante des chansons de Michel Sardou. Elle habitait à côté, elle passait en voiture, j'ai pas compris. Oui, en voiture, je pense, peut-être qu'elle calait des enceintes, je sais oui, pas, l'histoire de lui. Espionnage par la fenêtre, insultes, photos à leur insu. Adrien, tu peux nous compléter un peu parce que c'est bizarre cette histoire, il manque un truc. La sexagénaire est quand même allée jusqu'à couper l'électricité et l'eau car les compteurs sont situés de son côté de la maison. Qu'est-ce qu'elle utilisait pour passer de la mais musique. Mais en fait, c'est très simple. Non, mais attendez. Okay. C'est Bluetooth. Peut-être une okay. maison. Je sais pas, j'en sais rien. Je pense que c'est ça. C'est une maison. Et là, ça a été séparé en deux appartements. Ils l'avaient fait, en fait, du temps de leur couple pour louer. En période saisonnière. Un petit Airbnb. afin de mettre un petit peu de, okay, de beurre dans les épinards. Okay. Bah oui, et là, il se sépare. Et Vlad, il pas que le type, il se trimballe sa nouvelle nana. Mais ça va, là. Mais il a 71 ans, il n'a pas le droit de retrouver l'amour à 71 ans. Ah si. J'ai toujours beaucoup de respect pour les vieux qui se séparent à 60, 70 ans, c'est quand même. Franchement, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est qu'en vrai, t'as dû faire une vraie dinguerie. Personne s'y attend, tu vois. C'est vraiment pour surprendre tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça, t'imagines, c'est ton grand-père qui fait bon, allez, je vous ai tous réunis, avec mamie, on se sépare, c'est vraiment fou quoi. Mmh. C'est genre, mais non, normalement vous mourrez. C'est ça l'annonce, malheureusement. Donc, on va passer aux questions des auditeurs. Mais avant cela, avec Adrien, il y a quelques mois, peut-être même années hein, maintenant. On sait plus maintenant. On sait plus, avec ce Covid qui n'en finit pas. On ne voit plus le temps passer, hein, comme dirait Aurélien Prévost. C'est vrai qu'il le dit. Mmh. On avait le répondeur du Floodcast. Qu'est-ce qu'était le répondeur du Floodcast? Bon, au final, je vais dire. Ah, c'est facile. Ouais, le titre est assez évident. Ouais, vraiment, c'est clair, vraiment clair. C'est avec le site SpeakPipe. Speechpipe.com. Oh, écoutez, les nuits sont courtes, il y a des larmes. je vous rappelle, j'ai un bébé. Des amis qui sont aussi tellement. Voilà, exactement. speakpipe.com/floodcast, donc c'est le répondeur du Floodcast. Vous pouvez laisser des messages ici. Il vous explique quand même hein. Je vous explique quand même, parce que c'est pour remettre aux auditeurs qui peut-être n'ont pas entendu l'épisode à l'époque. C'est un site tout simple, en plus c'est assez cool, il n'y a pas besoin de matos, c'est juste t'enregistres avec ton téléphone, voilà, c'est un site, c'est pas un numéro de téléphone. Et on est en 2021, je vous rappelle, 2022. Donc et bonne année. Et bonne année, et d'ailleurs, oui, c'est vrai. Et la santé surtout. Et putain, ah, bah mais ouais, mais bonne année là. Donc là, depuis le départ, on se parle. Et on se fait pas la bonne année. Et on s'est rien dit. Alors qu'on est le 23 janvier. L'année était pas ouf. On peut encore. Oui. Et là, c'est bon. Mais merde, les gars, mais bonne année. Donc vous pouvez poser des questions ou raconter des anecdotes sur speakpipe.com/floodcast. Alors, on avait essayé il y a quelques épisodes, on avait arrêté parce qu'on avait reçu à peu près 2400 messages, ce qui est beaucoup à écouter pour faire le tri. Donc on a quelques règles maintenant. Donc si vous voulez nous laisser des messages, le message doit faire moins d'une minute 10. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais une c'est minute, une minute, c'est plus. Oui. Bon. Mais excuse-moi, mais Adrien. On... Non mais alors. Moi, je suis vraiment, je veux pas prendre parti, mais depuis le départ, j'ai l'impression qu'on est dans la même bagnole, Adrien. Elle est pas conduite par un poisson rouge, je peux te dire. Ok, alors. Vu qu'Adrien est le chef. Non mais vraiment, je repense à cette histoire. Vraiment, l'énoncé, il conduisait pas une voiture. Du tout. Ça a rien à voir. Il le était gars dans était un dans son aquarium bocal. Avec et des gars. Non mais bon. Donc on a quelques règles. Des vessies pour des lanternes. C'est totalement. Donc on a quelques règles maintenant. Avec de la mousse dedans. Des vessies avec de la mousse isolante dedans. Donc on a quelques règles maintenant. Donc le message doit pas faire plus d'une minute. Si on ici dure plus d'une minute, on ne l'écoutera pas malheureusement, parce que comme dit, on en reçoit on l'effacera beaucoup. Sans aucune forme de procès. Attends, est-ce qu'on peut dire peut-être que quelqu'un qui a un truc un peu plus long non, dit non. Ah, écoutez, oui mais il dit écoutez, là ça dure une minute parce que c'est on l'écoutera pas, on l'écoutera pas. Pitch. Non, juste non. Parce qu'en dans son histoire le mec il arrête avant une minute. Oui, ça dure une minute mais il pitch en disant ça va durer peut-être deux minutes. Ah ouais mais après non. Une minute 15. Ah mais non. Bon écoutez merde. Les gens peuvent se livrer. 2400 messages, Audrey, c'est très long. Non, mais non, ils peuvent utiliser, ce qu'ils peuvent utiliser pour raconter cette anecdote, c'est des amis. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, testez d'abord. Si vos amis vous disent, ah ouais, c'est super, fais-le. Là, ok. Et précisez tout de suite qu'on peut pas laisser 3 messages d'une minute non plus. Non, surtout pas. Les gens vont le faire. Ah bah là, c'est banni du site. C'est malheureusement. Donc, vous nous laissez un message de moins d'une minute, que ce soit une question ou une anecdote. Si vous faites plus, on le diffusera pas, parce qu'en plus, ça nique le rythme de l'émission. C'est surtout ça en fait, c'est que d'un coup écouter un message d'une minute 20 mais 30 secondes alors. Truc, ah mais ça peut faire alors. Moins, ça peut allez, faire 10 moins. Secondes. Et s'il vous plaît, un quand vine. Vous laissez le message, mettez un titre comme ça on sait à peu près de quoi ça parle, ça bien nous sûr. Aide un petit peu à savoir de et quoi vous allez parler. Antisémite. Dites tout hein. Ouais, c'est vrai, mettons toutes les règles. Mais cela dit voilà, on a hâte d'écouter vos messages et d'ailleurs, on a quelques messages à écouter aujourd'hui. Je vous fais écouter le premier message. Bah oui, bien sûr, il y a pas de salut les floodistes. Alors pardon. En rapport avec l'éjaculation dans un mug. C'était alors, Adrien je l'ai qui faisait ça. Fait, mais il m'est déjà arrivé de pisser dans un. C'est pire. Est-ce que vous voyez les nouilles de marque, genre Heidi? Il reste toujours l'espèce de bouillon à la fin. Et au début, je ne le buvais pas, du coup, je pissais dedans. Ah, j'ai eu peur. C'est devenu un running gag à un moment. C'est un fou, là. C'est le mec des bouloches. C'est le mec qui pissait dans un bouillon. Il non, avait une coloc, voilà, dans une ville étudiante. Un t'as pas fait des délires un peu dégueulasses quand t'étais adolescent avec tes potes? Non. Ah ouais, t'habites dans la moutarde et après dire à tes copains. Ah, alors, qui c'est qui va sandwich? J'ai pissé dans une capote, mais je l'avais peut-être c'est déjà raconté. Mais non, mais oui, Drake, merci. Tu confonds avec Drake, je crois. Toi, t'as pissé dans une capote. Ouais, après le sexe, pour rire, j'avais encore la capote et j'ai pissé dedans. Je suis allé dans une baignoire. Avec les encouragements de ma partenaire. Attends, j'ai rien compris. Les applaudissements, il je crois. Il me faut tout un contexte. Bon, vous êtes sexe, bah, rapport sexuel. Mais vous êtes dans quelle pièce? Bah là, ils étaient dans la chambre, ils ont ma Ken. Ma chambre. Ok. Et ils ont Ken. Bon, déjà, je peux poser une question. Ouais, non, okay. Mais moi, je suis ça. Là, tu te lèves. Éjacula. Ouais. Un spermeur. salle de bain, j'ai toujours la capote sur moi. Et vient l'idée, je sais pas de qui, de tiens, mais qu'est-ce qui se passe si tu pisses dans la capote? Bah oui. Et du coup, je me mets dans la baignoire, j'ai pissé dans la capote. Mais c'était hyper propre, c'était une expérience. Bah c'était physique, chimie. On appelle Adrien Docteur Nozman. Bah, mais là, c'est gants lunettes. Entre c'est deux hyper géodes. J'allais dire entre deux géodes, Docteur Nozman pisse dans des capotes. Non, mais avec Alexandre Astier. Il ne filme pas, mais Astier. Astier l'a fait certainement. Bah bien sûr. Et du coup ça pas d'explosion, rien. Pas d'explosion, mais en gros t'as. Ça revient vers toi ou pas? Oui. Non, t'as vraiment un gros ballon de pisse accroché à la bite quoi. En gros là, maintenant on sait qu'on peut t'imaginer encore bien dur, c'est ça qui est bien. Pourquoi? Bah parce que si ça débande, ça glisse, ça remonte, tu vois. La pisse remonte. Mais enfin qu'est-ce que. Parce que tu débandes, donc en fait la capote, il y a de l'espace entre la capote et la bite. Mais ça fait un peu un effet ventouse, la capote qui fait que. Enfin, j'ai l'impression. Je sais pas, que c'est vrai. Franchement, je monte tout le temps. Donc, qui fait que. En fait, la capote, c'est censé coller la bite? Bah, je sais pas. Attendez, ça se met sur la bite? Ouais. Excusez-moi. Ouais, j'ai une énorme queue. Ce qui serait possible, soit, attention. Non, mais j'ai l'impression que ça fait quand même une espèce d'effet ventouse qui fait que tu. C'est possible. Oui, oui. En tout cas, tu mets du temps à débander peut-être. Bon, j'en sais rien. Non, mais c'est sûr. J'ai largement eu le temps de pisser. Oui, moi, c'est ça plus. Parce que pisser après avoir joué. Moi, des fois, il faut un petit temps parce que. Je peux tout faire. Cela... C'est vrai que t'es multicasquette, je crois. Ah, attention. Bah, c'était par à coup quand même, à vous. T'as pas tout pissé d'un cela coup. Cela dit, dans ça la reste moins dégueulasse de pisser dans une capote après avoir joué que. Dans un bain Par à coup, un personnage du Roi Lion, juste. Mais juste même viser les toilettes après avoir joué, très difficile. Ah non, mais en érection, oui. Moi, je me mets en planche avec la teub dans le trou et j'urine. Toi, tu faisais pas des trucs dégueulasses à dos, Aurélien? Pour rentrer sans blague. Attends, et c'était tout. Quoi l'exemple de, avant chier, pisser dans un pisser dans un bouillon une et nouille, tout. Pisser dans une capote. Non, une fois j'ai pissé dans l'évier de mon ref. Ah, ouais, mais ça, oui. Et c'était après pour le dire que je l'avais attends, fait pour j'ai que pissé évier ou lavabo. Évier. J'ai pissé la vaisselle. Plus dégueulasse. Ah, ouais. On était ivre. Hein. J'ai pissé dans l'évier de mon ref, qui est une parole de Renaud. Oui. Dans le troisième album. Alors ça, le on était ivre. Excuse-moi, Aurélien, mais non. De toute façon, moi, si je suis pas ivre, je peux pas pisser debout déjà. Ah bon? Ouais, je pisse assis moi. Ah, vraiment? Ouais, bah comme bah, 80% ouais. Des gens en fait. Mais moi j'adore pisser non, assis. Comment allez. Ça? Qu'est-ce que tu racontes? Non, bah, je veux faire avancer les choses donc je suis un peu excessif. Quoi, ah oui, c'est les non, quand moi, tu fais ça moi ça m'arrive de pisser assis. Bah, c'est hyper pratique en fait. Bah, moi le matin souvent je bande. Et ouais, les gars. Ah non, mais ça du coup, je bouge plus depuis que. Non, là il y a le bébé donc c'est bon. Mais je pisse assis du coup. Ah quoi? Bah, j'allais dire justement. Bah, non, mais c'est galère. Ah, mais on en avait déjà parlé. Moi je peux pas. Moi je pisse assis moi. Et du coup, j'appuie sur la tube. Moi aussi. Ouais, désolé Audrey. Ah ouais, mais non, alors, bah non, moi je peux. T'as fait des trucs dégueulasses à dos ou pas? Non, toi je te jure. Bah, allez, non, non, après, non vraiment, que dit le texte? Casse un petit peu cette image de les filles, les roses. Dis-nous que t'as chié dans un truc. Non. En plus, moi je vous signale que j'ai quand même eu quasiment la moitié de l'existence que des diarrhées, etc. Ah ouais, donc, comment, franchement. Ouais, ah non, on savait pas. Moi si. T'as eu une petite maladie? Non, l'anxiété. Uniquement l'anxiété. C'était la société dans laquelle tu vivais la maladie. Exactement. Non, j'ai rien fait avec mon caca. Non, t'as gardé ça en toi. Oui, j'ai pas un nom. Cette info de la diarrhée, je pense que tu crois que les gens le savent plus qu'en réalité, parce que vraiment. Non, mais je vous rappelle quand même qu'à moitié de ma vie, j'ai eu la diarrhée. Bah, personne savait en fait. Ma famille. Dans l'interview mais Charente pas... Libre, t'en avais parlé à un moment, je crois. Non, c'est vrai, j'ai été très malade. Enfin, j'ai été malade jusqu'à tard. Hein. Ah ouais, enfin, c'est marrant. Pardon. Vas-y, non, vas-y. Non, mais j'ai lu il y a pas longtemps quelqu'un qui disait justement que l'anxiété pouvait avoir des effets. Ah, mais c'est instantané. Ça te fait comme un syndrome du côlon irritable et tout, quoi. Ah, c'était instantané. Bah pour moi, le colon irritable, c'est juste un colon qui fait oh, ça va, déjà j'ai eu une grosse journée. Non, mais c'est colon horrible. Bougon. Colon bougon. C'est terrible, hein, en vrai. On n'en parle pas assez. Non, mais c'est vrai, non, mais bien sûr. Parce alors, que. J'ai une question. Ouais. Pareil, on est dans le caca. Bon, c'est pas grave. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant vu l'émission, mais bon. Est-ce que vous êtes team OK pour chier en dehors de chez vous ou à fond? Ah, moi, je fais ça n'importe où. Bah, déjà, ça... la maladie merci t'oblige beaucoup à le faire. Oui, cela dit, mais... mais moi, partout. Quoi, mais moi, là même, j'adore. Aucun souci. Chez moi, je chie jamais. Ça te dégoûte de chier chez toi, ah je crois. Ouais, ouais, chez bien moi, sûr. C'est dégueulasse. Ah ouais, moi, j'ai aucun problème à chier ailleurs. Ouais, moi, j'adore. Moi, j'ai eu un. Enfin, j'adore. J'ai eu une. Pas non plus. Tu vas nous montrer une vidéo. C'est ton préféré au monde, je crois. Je vis pour ça. Non mais moi je, là, je chie j'ai eu une j'ai eu une période où justement je pouvais pas chier ailleurs que chez moi et il y a puis eu le Covid. Ça s'appelle confinement je crois. Mais non mais le non, van non, mais... non non mais j'ai eu une période il y a longtemps. Ah oui. C'est une longue vie hein. Tout, ouais. Mais oui oui. Il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'avaient pas à l'époque. Non mais et oh, il a oublié. Non mais si, non mais au bout d'un moment, j'ai dit bon allez stop. C'est parce ridicule. Que, en fait, non mais moi je déteste avoir envie de chier. Ouais. Genre un tournage si j'ai envie de chier. Ah, genre j'ai déjà chié au milieu sur d'un tournage. Genre j'ai dit je peux. Genre on tournait. Enfin j'ai dit je peux aller aux toilettes. Je suis ah allé ouais chier quoi. J'aime ah ouais pas avoir envie de chier. Quoi. Bah j'avoue putain. Moi je sais pas si j'aime bien, mais si j'ai envie de chier j'y vais instantanément. Oui mais alors ah ouais, les gens ils sont en mode ah j'ai envie de chier depuis midi. Je fais de quoi? Ouais ouais mais c'est pas possible. Pas, moi je me moi, suis je vais chier quoi. Et du coup détestant avoir envie de chier. Je me suis dit bon allez stop parce que je commençais à sortir, à aller bosser à l'extérieur et tout. J'ai dit bon vas-y mousse isolante dans le cul voilà. Non mais je dis vas-y allez, c'est bon chie n'importe où et, et ta vie et tu te sentiras mieux au quotidien. Bah et oui c'est beau. Est-ce que ça c'est un conseil qu'on peut dire au tout? Mais oui n'importe chie où n'importe où et que ta vie n'en sera que plus belle. Oui, mais oui, c'est oui vrai. Audrey tu voulais j'ai dire quelque question, chose? J'ai une question parce que je pense qu'aussi la localisation des toilettes et le contexte. Par exemple là vous êtes là tous les trois. Ouais. Et les toilettes sont juste là vraiment à quelques à un pas plus de nous plus avec un petit placo. Ouais. Ok. Bah là, je pense que je peux être gênée d'y plus aller difficile et d'entendre vraiment tout le son de l'affaire. Moi, il y avait. Et quand t'étais dans le train donc, toute seule. Est-ce que ça joue Est-ce que ça joue la localisation des toilettes pour vous ou genre pas du tout y a, sure, ça, la question se pose. Ça dépend coup si c'est avec une meuf, quoi. Ouais. Ah. J'ai une anecdote là-dessus. J'avais une amoureuse qui vivait à Nancy. Je vivais à Paris. Et trop mignon déjà. Et un jour, je vais chez elle passer le week-end. Sympa. Et je découvre son appartement et sa salle de bain n'avait pas de mur. Elle avait juste un espèce de rideau. Mmh. On était jeune, tu vois, on avait 19-20 piges. Bien sûr. Et donc du coup, ses toilettes n'avaient été séparées de la chambre d'un rideau. Simple rideau. Tu te dis, j'ai enfin trouvé l'amour et bon bah. Et tu dis, fin, bah je vais pas chier pendant 3 jours. Et tu te dis, c'est le week-end où tu vas la voir. Donc avec petit espoir de Ken, donc en plus c'est enfin voilà, donc il y avait une sale ambiance là-dessus. Bon, on n'a pas Ken et j'ai pas chié, donc vraiment rien oh fait non, de non mais week-end. Alors ça c'est voilà, typiquement ça j'aurais c'est dû horrible chier. Franchement vu que j'ai pas Ken, j'aurais dû chier. Bah, mais c'est horrible. Ça non mais c'est vrai, non, c'est pas cool. Bah oui, non mais tu voilà peux dire je vais faire une course, enfin je veux dire tu laisses la personne Je l'avais déjà dit dans un podcast. Moi je suis un peu j'aime pas le caca dans le couple. Vraiment, il y a un truc où ça me enfin j'ai pas ce truc mais de mais tu t'échappes, oh, tu laisses l'autre. Et voilà, caca dans le couple. Caca dans le couple. Ma première meuf, elle était très gênée de faire caca quand j'étais dans. Parce que je vivais dans 15 mètres carrés. Il y avait une salle de bain quand même, mais elle était très gênée. Donc du coup, je sortais les poubelles. C'était une bah espèce oui, de voilà message entre nous. Quand elle disait bon, bah je vais aller aux toilettes. J'étais genre, oh bah attends, je vais sortir les poubelles. Et donc tu vois, la vanne. Mais c'est très élégant de ta part. Bien sûr. Mais après, je mentais. Quand et je restais à côté, j'enregistrais. Je fais, ah t'as chié, construit. Ben, voilà. Mais il y a le fait de. Effectivement, ceux qui s'en foutent. Ceux qui s'en foutent pas mais qui se le disent pas et ceux qui s'en foutent pas et qui se le disent. Ouais. Et moi effectivement avec une meuf par exemple elle me disait bah vas-y mets de la musique, mets un truc quoi. Tu ouais vois. Et bon, ça y est quand même un côté elle va chier, ouais, qui casse un peu la magie. Ouais. Mais du coup bon bah tu te mets un petit son et ouh, tout va mais tout comment tu faisais quand t'avais pas de poubelle? Tout le monde est plus détendu quoi. Tu sais ouais, il y a toujours un truc à chier. Ouais, parce non que toi il y aura toujours de la musique. Mais espérons parce qu'avec le Covid avec nos libertés qui vont reculer. Non non, mais je sais pas, non, c'était où j'avais autre chose, tu vois. Ouais, alors je vous j'aille je sais pas faire des courses. Chez les beaux-parents d'une ex, il y avait quand t'allais dans les chiottes et que t'allumais la lumière, ça allumait un poste, il y avait nostalgie à fond. C'est ah ouais, génial. Ouais. Et pourquoi? Bah pour entre eux, ils voulaient pas s'entendre génial, chier, j'imagine, incroyable, tu vois. Et du coup, c'est une technique qui peut marcher aussi quoi. Ça devait être un sacré petit vous bazar. Mettez un, ouais, vous mettez un poste de radio et qui s'allume avec l'interrupteur et vous pouvez chier incroyable au calme. Faut être bricolo quand même. Non, mais tu sais, c'est vrai que t'as les interrupteurs à prise. Donc si tu laisses le truc branché tout le temps, tu vois, c'est bon, tu vois. On a un autre message d'un auditeur que je vous partage. Un fou aussi c'est ou salut à tous, petite pensée pour vous parce qu'hier mon immeuble a pris feu. Ah. Oh là. Je dormais et que j'écoutais un Floodcast. Et étonnamment, c'est moi qui ai pris le plus cher et personne n'est venu me chercher. Donc de une, pourquoi? Et de deux, merci à Adrien parce qu'il a certainement crié très fort dans le podcast, ce qui a dû me réveiller. Donc j'ai pu me sauver la peau. J'ai sauvé la peau de quelqu'un. Donc eh ben, écoutez, pensez bien, mettre une pile dans votre détecteur de fumée, ou si vous avez un Adrien sous le coude, laissez-le s'exprimer. Voilà. Adrien a sauvé une vie, on peut l'applaudir. Bravo. Mais attendez, excusez-moi, du coup j'ai un il faut faire un truc dans ce floodcast, c'est que tu dois faire un cri par floodcast. Je dois hurler. Bah, ça arrive généralement. Ça arrive. Non mais un cri de sauveur. Un petit ondelat. Oui, bien sûr. Non mais là tu te rends pas compte. Bon, alors, t'as quand même sauvé une vie. Je vais le faire là. Vas-y. Si vous avez... Attends. Il fait. Voilà. Bah c'est vachement bien. C'est voilà. Bien. Voilà. Personne là... va venir vous chercher. Ce serait pas trop bien si les pompiers c'était ça leur leur sirène. Yalfe. Oh, c'est vous, y'a le feu, y'a le feu, y'a le feu, y'a le feu. Du coup, mais c'est incroyable comme histoire. Du coup je vois tous les films Sauver ou périr avec Pierre Niney. Allez c'est bon, je pars. Y'a le feu. Oh oui. Un autre message. Non mais attendez, ah, donc on dit rien. Non, en mais fait. Non mais il a sauvé une vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Après j'avais déjà sauvé un gosse en arrivant à un floodcast et tout. Enfin ouais, c'est après c'est du coup c'est... Tu l'avais raconté ça. Mais t'es vraiment mais non, mais, un sauveur quoi. Mais si sauveur, mais le c'est gars. Toi qui l'avais dit. J'avais absolument pas sauvé un tu gosse. Tu nous sauves aussi. J'étais arrivé en retard de notre nostalgie parce que il y avait un et de nos vies monocordes. Un gosse qui s'était fait déplier. Ah oui c'est vrai. Pas du tout sauvé. T'as sauvé un gosse. Absolument pas sauvé. T'as sauvé un gosse pour moi. Non il est mort. Ah ok, pardon. L'inverse de sauver un gosse. C'est pas vrai. Ah non, mais non, c'est pas vrai. Non, non, mais il était en parfaite santé. Et donc, c'est des vieux messages ou c'est récent? Non, c'est des vieux messages. Le gars est peut-être mort. Non, justement, il a peut-être eu un appart. Mais non, c'est des vieux messages. Le gars est peut-être mort, pardon, Adrien, t'emballe pas trop. Mais moi, récemment, c'est marrant, tu parles de gosse. Il y a deux gosses. Oui, t'as un gosse. Oui, c'est bon, ça va. Le raccourci était dingue. Et c'est vraiment, c'est mon meilleur rôle de ma vie. Non, mais il y avait deux enfants, deux ados, 15-16 ans. En même temps, plus vieilli, plus 15 ans me paraît être. De la petite enfance, c'est terrible. Bien sûr. Et il se chamaillait, mais au milieu de la route. Donc je me dis, oh putain. Bah, donc j'arrive et je fais, oh, oh, oh. Vous voulez mourir ou quoi? Ils étaient juste potes. Moi je croyais vraiment qu'ils se faisaient agresser. Je croyais que le mec se faisait agresser parce qu'il y en avait vraiment un qui avait le dessus sur l'autre. Il y en a un qui était par terre. Et donc j'ai fait, hop, hop, hop, hop, hop. Et ils m'ont fait, non mais on rigole monsieur, c'est bon. Mais il a dit, nique ta mère. Il a dit, nique ta mère. Tu t'es fait troller. T'as vraiment pas ça m'arrive souvent, quoi. Mais je vois souvent les hommes, hein. Mais non mais ils sont violents entre eux. Ouais, tu ça sais pas des fois. J'ai regardes, une boule, mais j'ai alors, plus une boule au ventre de genre oh là là, il y en a attends, un, il y en a une bonne bagarre. Non mais il y en a toujours un qui se force un peu à être dans ce jeu de virilité. Bah celui qui de se fait merde. Taper en fait. Non mais ils se tapent un peu tous les deux mais celui qui a le dessus, c'est parce que lui, il en a rien à foutre, surtout de taper sur l'autre. Et l'autre, il est genre, ah ouais, ouais, je me bagarre, marrant. Mais en fait, il a pas du tout envie. Du coup, il a le dessous et il y a toujours un côté genre, oh. Bah, il se force. Ouais. Du coup, je les tabasse tous les deux. Nouveau message. J'espère que c'est quelqu'un. Salut Flaubert, salut Adrien. Salut. J'espère que tout va bien. Bof. Nous, on est de la merde. J'aurais voulu savoir une chose. Est-ce que ça vous dirait de faire une réunion Golden Moustache? Pour l'instant. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec Friends. Un floodcast. Je suis désolé, je t'adore, mais je te coupe parce que vous réunissez un peu tous les anciens membres. Mais la question moustache. Est marrante parce que quelqu'un qui dit est-ce qu'on ferait une réunion Golden Moustache? Ça serait sur Salto, donc c'est relou quoi. Et vous racontez des anecdotes. Donc tu t'abonnerais, puis tu t'abonnerais tout de suite parce qu'en vrai. Comme Groom et tout. Sur Pickles, c'est bien. Pickles. Il y a que nous qui connaissons ce français. Personne ne sait ce qu'est Pickles. Bah non, c'est bien pour ça qu'on est quatre. Une réunion Golden Moustache, c'est rigolo parce que moi c'est un truc qu'on en avait parlé avec Adrien de pourquoi pas dans un floodcast faire peut-être soit un très gros épisode. Alors, parce que moi j'aimerais sans se comparer à Friends évidemment hein, parce que là il a dit ça donc du coup ça fait non, un non, peu non, genre bien sûr en comparant nous plutôt à Harry Potter. Bah, t'es Chandler hein. Nous c'est plutôt Harry Potter t'es Chandler hein. Adrien t'es aussi marrant et aussi dépressif que lui hein. Non mais effectivement faire un truc sur revenir sur moi on l'avait fait avec Suricat à l'époque avec Vincent, Raph et Julien. Bon et... du coup c'est pas la peine, vous avez fait l'essentiel de tous les autres trucs quand est-ce qu'ils reviennent d'ailleurs. Mais non on avait fait ça tous les quatre et c'est vrai que moi je trouverais ça cool de faire ça surtout Golden Moustache, mais il faudrait un anniversaire. Et qu'à cela, vous ne croyez pas si bien dire. Enfin, je ne crois pas si bien dire. La en fait, première je crois vidéo. Si bien dire. La première vidéo, elle est sortie en 2012. Donc ça fera 10 ans. Ah, le coup de vieux dans la gueule hein, en septembre. Septembre. Alors c'était en septembre. Donc, sérieux. Nous, ce sera pas tout de suite qu'on le fera. 10 ans. Oh là là. Mais The Death Years Stop tu vois, Masturbating. Autant le Bataclan, t'as dit je vais casser l'ambiance. Bon, ça allait. Là. Ouais, là ouais. Bon sachant que la première vidéo c'est dans ton culte Halloween d'Arnadette. Mais bon voilà, c'était pas le truc qui a vraiment fait éclater Golden Moustache. Tu comptes pas celle-là du coup? Si je la compte mais moi franchement soyons dit moins. Moi c'est ma première vidéo Adrien, parce qu'apparemment tu kiffes. C'est que c'était il y a 7 ans. C'est un peu badant ça. Juste, c'était, on est vieux quoi. Bah non, non, mais en plus, moi je m'en souviens bien parce que c'est pour moi lié à Golden parce que j'étais sur le montage du premier sketch show. Ah oui. Oui, qui est sorti en décembre 2015. Golden Moustache. On était, enfin si, c'est quand même assez long, mais on était vers Grand Boulevard là, les, ouais, les petits locaux où on faisait le montage. Ouais. Et c'est là où et on bossait bah, assez tard et je me souviens. Excellente ambiance ou pas? Non mais je me Golden souviens Moustache. D'avoir vu ce truc, genre ça, oh, putain de, du seul sketch show bien de Golden Moustache. Ouais, une tragédie, une tragédie nationale, ouais, voilà. 8 novembre 2012 pour c'est The le secret de mon humour globalement. Desert Stop Masturbating, de Masturbating pardon, 8 novembre et la vidéo dernière le 31 octobre, donc peu de temps avant. Quand ouais. Donc si on doit le faire, ce serait plutôt dans ces eaux-là, bah, je pense pour les 10 ans, mais on le fera en 2022. Est-ce qu'on a la date de la vidéo qu'on avait faite ensemble qui est la première vidéo que je fais sur internet? De Granola? La pub Granola, oui. Eh bien, elle a disparu de Golden Moustache, malheureusement. Alors c'est ça, ta c'est première truc... vidéo d'internet. Ah, non, bah, je tournais avec Baptiste. Faux, d'accord. Un mensonge. Non, mais c'était sur, non, mais c'était sur 10 minutes à perdre. Mais la première vidéo que je fais, vraie vrai vidéo. Vrai tournage avec une équipe, oui, machin. Vraie vidéo, c'est ça. Pas c'est... des gogoles qui pètent dans un local. Pas les règles, un USB et j'en passe. Qu'on refait une vidéo pour la Française des Jeux, c'est de son flux. J'ai pas vu. On revient sur YouTube, je regarde la vidéo. Bah, les gars, c'est une sponsor. Deux énormes flux. Wow. D'ailleurs, Gaël qui va bientôt revenir là. On a un épisode avec lui très bientôt. Vrai. Mais donc voilà, bah bientôt, ça, ouais, bientôt les... mais pas faites ça parce que tu viendras et Audrey aussi. Enfin, moi j'aimerais vraiment qu'on fasse. Il vous faut des petits guests, mais il vous faut les. Non, moi je trouverais ça. Si on le fait. Il vous faut les iconiques. Non, si on le fait. Enfin, après j'en ai pas parlé avec Adrien, mais si on le fait, je pense qu'il faut vraiment bien le faire et qu'il faut vraiment plein de gens. Non, mais en tout cas, j'aimerais vraiment le faire avec voilà, tous les gens qu'on fait jusqu'à la fin. Aurélien, toi, t'as plus ou moins creusé la tombe de Golden Moustache. C'est toi d'ailleurs. Non, mais c'est. Voilà, y a de... Non, non, pour le coup, vous êtes les derniers d'ailleurs qui avaient fait avec Multiprise et tout, qui étaient les deux. D'ailleurs, la vidéo de Anis sur rap. All rap versus All rap. Versus rap est la vidéo la plus vue de l'histoire de Golden Moustache. Oh, wow. Ouais, elle est devant. Dire, il avait c'est, fait wow. de c'est un truc de ouf. C'était celle-là, et juste après, c'est la vie sexuelle des jeux vidéo. Des titres en tout cas rameutent pas ouais. trop en le tout cul, cas le rap le cul le rap ouais. Et numéro 3 c'est le fantôme de merde ah, après putain, Super Hangover et bon fantôme y a de merde qui continue de faire des vues c'est ça enfin en tout cas quelques c'est années ça. Ça continue toujours de et tourner à 16 millions. Et à Golden ils comprenaient pas pourquoi enfin c'est bien mais c'est quand même un peu mystique non c'est vrai et après bon il y a un peu de Suricate sinon c'est le serveur moi je pense que je sais pourquoi vas-y parce que qui revient peut-être tu veux non le parce que de ces dernières années, derniers temps, il y a une recrudescence des trucs d'horreur, machin, qui font peur. Et je pense que des gens cherchent fantômes. Et comme Golden plus, est bien placé dans les algos et tout, ça doit tomber. Il y avait fantôme. Un délire sous-titrage aussi. Tu sais, il y a le titre en américain aussi. Ouais. À un moment donné, il y avait ça dans les bails. Ouais, ça, c'est quand on a commencé. Américain. Ouais, ça, c'est quand on a commencé à se la raconter. Ah, ouais, melon, mais ouais. Ça peut aider. En disant, pour le public français, tu te dis, oui, bon, bah super. Mais ça peut aider. Non, mais parce qu'en fait, on avait fait la vie sexuelle des jeux vidéo qui avait vraiment marché aux États-Unis puisque c'était partagé sur 9gag à l'époque et donc on s'est senti on poussait des ailes et c'est pour ça qu'après c'est parti avec la voix grave qui parle non, en anglais et des bien. Trucs comme ça mais en vrai ça a jamais remarché aux États-Unis si Movie versus Life quand même mais sinon on n'a jamais fait de vue aux États-Unis quoi mais sinon c'est le serveur la première vidéo après pas sur iCat qui pour le millions. Coup a cartonné parce qu'elle tournait dans des boucles de mails de des vieux boucles de c'est mails, ça ouais. Exactement incroyable. Et après il y a du les Suisses ont-ils un cœur de McFly Carito bureau des plaintes Harry Potter badass Un monde sans chiffres d'Hakim Omiri, 9,3 millions. Enfin voilà, il y en a plein. On va pas faire l'émission maintenant, mais en tout cas, nous on trouverait ça cool de le faire. Il faudra trouver une config qui fonctionne. Ouais, mais moi je pense qu'il faut faire peut-être même plusieurs épisodes, tu vois. Non, ok. Non, mais tu fais tourner les gens. Bah, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Si on fait qu'une seule émission, il y a vraiment beaucoup de gens à ramener. Ah, bah c'est une nuit. C'est la nuit. Putain, on fait un live de 10 ans, 12 heures, 2022. Golden Moustache, les chiffres coïncident. Bien sûr, Bouchard, il y a une très bonne gueule. Une folle alliée. Mais c'est très bien. Non, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à Golden. Audrey, effectivement, tu le dis, t'as tourné avec nous. Il y a une gueule qui est hallucinante. Mais effectivement, McFly et Carlito ont commencé ici. Les multiprises, il y a aussi le Golden Show qui est passé par là. Il y a plein de choses qu'on peut oublier dans l'histoire de Golden Moustache, mais il y a eu vraiment beaucoup de gens. Et donc voilà, je trouverais ça cool effectivement qu'on fasse un gros épisode ou deux épisodes où on parle de tout ça quoi. Dernier message. Alors salut les gars, je sais que le podcast c'est pas du tout beauf, et c'est pour ça que aujourd'hui je vous appelle de Bologne pour vous dire que ici il y a une fontaine. Pardon. C'est un peu le monument emblématique, je pense. C'est sur la plus grande place. Elle s'appelle la Fontaine de Neptune. Et je vous invite à aller regarder sur Internet la tête qu'elle a, parce qu'elle est assez amusante. Alors voilà, c'est vrai qu'elle nous propose presque un jeu. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a de surprenante, la statue de Neptune à Boulogne? Sachant qu'elle dit, vous n'êtes pas à du Boulogne. Tout beau. À Boulogne. Ça sort de la chatte d'une femme, de l'eau. Alors non. Des spaghettis. La bite de Neptune. Non. Le cul de Neptune. Pardon? Ça sort du cul de Neptune. Calme-toi. La chiasse. C'est pas de l'eau, c'est de la merde. Encore un bon titre, hein. C'est pas de l'eau, c'est de la merde. Une sorte de Da Vinci Code, genre putain, la fontaine coule de la merde, la fontaine de Neptune. Da Vinci Code. Oh, le titre. Wow. Mais c'est dingue, on a tout. C'est Bologne, c'est pas Boulogne, non. C'est Bologne, ah, en Italie. Mais oh, Bologne, il l'a pas okay. eu. Attends, elle a pas dit en Pologne. En Bologne, à Bologne, ah. Une ville italienne. Oui, Bologne, c'est pour ça que je parlais des spaghettis. Ah, j'ai mais cru. Oui. Ah, mais moi j'ai compris Boulogne-Billancourt aussi. Moi, j'ai... Bon, Pologne, elle a vraiment Pologne. Dit Bologne. Écoutez, bon. C'est une fontaine avec des pizzas. Non, mais il doit y avoir. Est-ce que des... c'est de là où d'où sort la flotte? Non, mais c'est pas beau, c'est les ah, gougouttes, oui, ça putain, sort des nénards. Ah, voilà. Bien, putain, c'est mais beau, c'est j'avais oublié vrai, la base. Ça, bien sûr. Ça sort des. Ah, ta blague sur les pizzas était un peu beau. Ça sort oh des là gros. Là, les bonnes gougouttes. Excellent. Et voilà. J'adore, putain. Non, mais voilà, si vous avez des petits trucs aussi insolites qui durent moins d'une minute, machin et tout, n'hésitez pas aussi à nous les laisser sur le répondeur speakpipe.com/floodcast. Putain, mais c'est la Patrick Beau du cul, quoi. Ouais, exactement. S-P-E-A-K. PIPE.com/floodcast, exactement, André. On va passer aux recommandations culturelles. On fera un petit jingle. On fera un petit jingle. De toute façon, on a plein de jingles à faire. On va en faire, t'inquiète. Et ce sera dans la description et puis sur les réseaux, sur Twitter. Voilà, vous pouvez voir le site. Recommandations culturelles. Bien sûr. Audrey, est-ce oui. que tu as une recommandation? Alors non, mais. Mais écoutez, tu étais bien, tu étais à l'Alpe d'Huez. Tu étais à l'Alpe d'Huez, parce que tu as oui, vu des bons films. J'étais à l'Alpe d'Huez. J'étais à l'Alpe d'Huez et je vais vous dire. Calme-toi. Qu'avant de voir des bons films, je vois surtout des gens qui font, des gens qui créent, oui. des gens qui ont envie de partager le rire dans une période morose. Ouais. T'as rien. Morose. Donc je vais vous encourager à soutenir la création et je vais parler d'une amie qui ici nous a apporté beaucoup. À tous, mais aussi à Adrien et moi, il n'y a pas si longtemps. Et donc, exactement, Éléonore Coste, qui est déjà, a lancé. Ils ont déjà l'argent. Oui, mais attends, moi, si on peut faire un Fantasme 2 ou quelque chose derrière, moi, oui, je suis intéressée. Donc c'est intéressé, je suis d'accord. Ah, ok, dans ce cas-là, oui. Oui, il y a toujours un intérêt. Sûr. Bah, bien sûr. Je compte devenir la muse d'Éléonore. Donc, non, en vrai, c'est cool quand il y a des artistes, c'est pas. Culturel, mais quand il y a des artistes si, que vous si, aimez bah, bien oui. et qui lancent comme ça des Kiss Kiss Bang Bang ou en tout cas des cagnottes, ouais. N'hésitez pas à les soutenir. Voilà, ça encourage vraiment et ça permet vraiment de faire des trucs. Donc, ouais, c'est cool. Donc, c'est sur, elle l'a fait sur quel Éléonore, site Éléonore, elle l'a fait sur. Attends. Un instant, non, je reviendrai. Kickstarter, je crois, hein. C'est pas ça? Ah ouais, je sais plus. Kickstarter. Mais attendez. Une petite musique en attendant. La, nous vérifions. Sur je mets, quel je m'étais mise site en mode de avion. Financement participatif. Kiss Kiss Bang Bang. Et voilà, Kiss Kiss, okay. c'est pour ça, je savais bien. Attendez, pas du tout, c'est pas elle. Ah si, c'est bon. Sur. Ok. Si, Hippocampe, c'est bon. C'est son voilà. prochain court-métrage. C'est le prochain court-métrage. C'est un animal hermaphrodite. Que j'aurais bien baisé d'ailleurs. On peut... ah. Non, non. La boucle est bouclée. Attends, c'est hermaphrodite ou non? Ou c'est juste le mâle si, qui porte le. Qui non, est je enceinte. Crois que c'est le mâle. C'est pas hermaphrodite. Une gambasse. Ouais. À Ken, c'est bien. Bon, c'est comme écoute, un... Aurélien, vraiment, ouais, c'est spontanément donc, bref, quoi. Donc, le court-métrage ouais, sur le deuil de son père. Revenons-en au centre. Donc, Éléonore, effectivement, lance c'est sur Kiss Kiss Bank Bank son court-métrage Hippocampe. Ou une méduse, mais pas. pas urticante. Merde. Tu te la replies sur la queue et. Ouais. Bon. Vas-y, attendez, vas-y, continue. Tu fais un burrito de bite avec moi, je vais continuer à parler quand même. Un burrito de bite, mais qui est de Lyon ou de Grenoble? Non, j'aimerais vraiment savoir. Encourager la création. Si vous écoutez ça lundi, il reste 16 jours. Merci Adrien pour le dessin que t'es en train de me faire. Ça, c'est ma bite, ça. Non, c'est la mienne. Ah, ok, ce que je me disais. Tu disais, elle est énorme. Moi, la capote tient pas dessus, moi. Ouais, non. Ok, vas-y Audrey. Il reste 15 jours pour aider Éléonore. Alors elle a effectivement financé pour le moment ce court-métrage. Son mais projet, mais au du strict coup... minimum. Voilà, au strict minimum. Il faut savoir que sur ces campagnes, souvent, on choisit le strict minimum parce qu'on a envie que ça se fasse. Ouais, mais si le but souvent, pas la somme, tout est annulé. Tout exactement. Est annulé. Mais voilà. Le but souvent, c'est quand même de faire du 150 voire 200% pour faire les choses bien. Et elle surtout a, que en vrai, elle l'a dit que ce qu'elle allait avoir, ça lui permettrait aussi d'avoir une indépendance. Et on sait qu'Éléonore est pas le genre de nana à avoir qu'une seule idée. Bien bien sûr. Bah, elle a quand même une toiture à refaire. Hein. Elle a acheté une baraque, ouais. Non, non, mais là, il reste 15 jours en tout cas, parce que à date. 14. C'est mon 15, point culturel. Ça sort demain. 13. Oui, mais là, il reste. J'avais déjà fait le calcul. J'avais déjà fait le calcul. Il est trop fort. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. On n'a pas à ce niveau par hasard. C'est un cerveau. Pourquoi tu crois qu'on est numéro 1 en Inde? Parce qu'il y a ces petits calculs. Et je te rappelle que je suis père. On dit en Inde, par contre. Pas en Inde. Aurélien Prévost, d'ailleurs. C'est quoi ta reco? Ma petite reco. Alors, j'en ai déjà parlé en story. Baiser des animaux. Je vous le conseille. Moi, je vous conseille un film qui s'appelle À l'abordage. Tiens donc. Ouais, c'est un film français de Guillaume Braque. Et la démarche, je vais essayer de faire court parce que je pourrais en parler pendant des heures. Tu l'as aussi, oui. Abordage, braquage, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, non, mais je t'ai vu, j'ai vu ton œil pétiller. Et j'aime bien la démarche du gars. Il voulait faire un film avec des jeunes, donc il a été au conservatoire, voir un peu les jeunes et tout, voir comment ça se passait. Il en a rencontré beaucoup, beaucoup. Et avec ceux avec qui il accrochait et tout ça, il a écrit une fiction autour des gars qui s'inspirait un peu de eux, mais pas vraiment, etc., etc. Enfin, vraiment, il a écrit un truc du sur-mesure pour des gars. Et du coup, à l'abordage, c'est l'histoire de deux mecs qui décident. Allez, je le pitch vite. Qui sont d'Île-de-France. En roue libre totale. Et il y en a un des deux qui rencontre une meuf là où ça danse la salsa, tu sais, au bord de la Seine, là vous connaissez à Paris. Tu bien m'étonnes, sûr. Moi je bagnote dans Paris, je sors. Quand tu vas à François Mitterrand là. Exactement, voilà, derrière Jussieu et ma fac. Ah, je vois, et du coup, ils rencontrent une petite zouze, ils kiffent et tout, et ils dorment ensemble dans un petit parc, et au petit matin, elle mais doit vite, vite partir. C'est la première scène. Bon, c'est Sandrine. Elle doit vite partir pour aller retrouver sa famille dans la Drôme, un truc comme ça, dans sa maison de vacances. Et lui se chauffe à se dire. Je vais la retrouver, j'ai fait une surprise. Ok, c'est un fou. Génial. Et il demande à son pote de venir avec lui. Et son pote, du coup, prend un petit congé. Ils descendent tous les deux, mais ils ont pas de blé. Ils prennent un blablacar. Ils prennent un blablacar. Ils arrivent à la voiture. Et le mec, il dit : mais vous êtes pas des meufs ? Vous avez dit que vous étiez des meufs ? Et en fait, c'est une technique pour se faire accepter dans le blablacar. Ah, okay. Et du coup, il dit : ah, pourquoi si c'est des gars, tu veux pas, toi, tu fais ça pour draguer ? Alors il est un peu coincé, tu vois. Et c'est un petit fils à papa, machin, alors que eux, c'est plus des gars un peu street. Okay. Et ces trois mecs. Vont au final passer tout ce séjour ensemble vu que lui va être coincé à cause d'un problème de voiture. Oh, et alors qu'ils sont très différents, et bah on va apprendre à les connaître. Ils vont avoir chacun une petite trajectoire bien sympathique. Mais tu joues dedans? Non, je joue pas dedans. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce genre de film, c'est qu'en fait c'est beaucoup de plans séquences, beaucoup de plans fixes et tout. Et le gars il veut essayer de choper un espèce de truc de vérité. Oui. Au-delà de leur différence. Ça, ouais. 100%. C'est et beau. Je trouve que ça marche de fou. Quoi. Tous les persos ils se connaissent parce qu'ils sont au cons. Et t'as vraiment. Tu sais, genre quand j'y repensais le lendemain. J'y vais par contre au cons. Quand j'y repensais. Tu te crois où là? Quand j'y pensais, tu le refais en disant le mot. On va te casser la gueule. Sale merde. Au conservatoire. Merci beaucoup. Et quand j'y repensais dans la semaine, je me disais, j'avais l'impression que c'était un souvenir. Et pas au conservatoire de musique, hein, parce que si vous jouez du piano, on n'en a rien à foutre. Genre, hein. J'avais l'impression que j'avais ça assisté. Te dérange en fait que quelqu'un parle pendant que tu parles de ton point j'avais culture, de baiser des animaux, se faire sucer par la main, il y a un problème en fait. C'est un truc que j'ai vécu. Et après, je faisais, mais non, c'est pas un truc que j'ai vécu, que j'ai vu. C'était un film. Et je trouve que voilà, quand ça rentre dans tes souvenirs en mode comme si c'était un vrai truc de la vraie vie, bah c'est incroyable. Et sûr. Du coup, donc, j'ai vécu ces petites vacances avec les gars, bien. Alors qu'en fait, j'y étais pas. Et donc, ça s'appelle, À l'abordage. Cinéma. À l'abordage, ouais. Donc, c'est des pirates. Pas du tout. Ok, pardon. Tu m'as donné envie de le regarder. Mais vraiment, j'ai adoré. Sur quelle plateforme peut-on le voir, Aurélien? Bah, il est sur YouTube à l'achat. Mais comme c'est un film français, YouTube, des fois, à l'achat, il y a la VO, tu te fais baiser, il y a pas de sous-titres. Mais là, est-ce qu'il est sur Bachar à l'achat ou pas? Non, mais il est sur Canal VOD. Sûrement aussi, ouais. Prime Vidéo, tu peux l'acheter. C'est sorti l'été dernier. Combien coûte-t-il? 3, alors écoute, si tu veux l'acheter sur YouTube, il est à 3,99€. Loué alors. Si, oui, loué, oui. Et si tu veux le louer sur Canal VOD en NFT. Ou Apple TV ou après une vidéo, c'est 4,99€. Ah, mais voilà, très touchant, un beau film. J'espère que Salif, Oral César, un des acteurs principaux, Salif Tissé, était nommé, prénommé aux meilleures révélations, tout ça. Putain. J'espère qu'il l'aura. Bah, on lui. Écoute, on le lui souhaite. Attends, si c'est pas Salif, le pas Salif. Voilà, tu connais quelqu'un. Mais ah, mais je savais qu'il y avait un intérêt. Non, mais il y avait un intérêt depuis le départ. T'en parles avec une passion. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. J'avais qui est passé. Dans les Français, sa fille drapée avec Annie. Bah oui, mais ton lien affectif au film ne t'a pas empêché bah en fait, de l'aimer indépendamment. Je connais un des gars, mais ça n'a. Mais après, peut-être que. Du coup, c'est vrai que du coup, t'as perdu. Je vais le regarder quand même, mais si ça me plaît pas, je dirais salaud, c'est parce que j'avais son pote dedans. Bien sûr que c'est pour ça qu'il a aimé. Adrien. Misterbe. Non, Mictionnel. Mictionnel. Alors, bon, moi déjà, voilà, tout de suite, il y a eu un documentaire sur Jean-Pierre Bacri sur France 3. Bien sûr. D'ailleurs, mais c'est fou, vous êtes tous les deux c'est là. C'est vrai. Oui. Parce que je l'aurais pas vu sans vous. Pourtant, on m'en avait déjà parlé et j'avais oublié. Alors. Mais vous m'avez tous les deux en même temps envoyé un texto genre, il y a un documentaire sur Bacri sur France 3. Et du coup, j'ai regardé. Et il est trop bien. Enfin, il est vachement bien. Je l'ai vu aussi, moi, du coup. Je l'ai pas vu encore. Alors, pour il la est disponible en replay, ouais, sur le replay. Il est en replay. J'ai vérifié. Ouais, il est en replay. Bah, trop bien. Enfin, genre, surtout si vous connaissez pas Bacri, en fait, regardez parce que vraiment, c'est un portrait du gars qui est incroyable, aussi bien le portrait que le gars d'ailleurs. J'ajouterais que si vous le connaissez, il y a quand même plein de choses qu'on ne connaît pas, ouais, des interviews. Pardon, ouais. C'est là où j'allais, mais non, mais attends, tu m'étonnes. Non, mais oui, en plus, moi qui j'ai regardé beaucoup de trucs sur lui et tout, et il y a encore des trucs que j'ai découvert, notamment ces derniers instants de vie où. Ils l'ont filmé à l'hôpital, mais Non, c'est beaucoup de témoignages et tout, et ça rend le personnage encore plus attachant. Parce que, sur ce qu'il a dit à ses proches à la fin de la moi, j'ai chronométré, j'ai chialé au bout de 20 minutes, mais pour un truc vraiment complètement banal. Bon, après, je chiale devant FIFA, donc. Non. Et quand tu perds, c'était chiant, ouais. Non, c'était vachement bien, et on peut aussi. Moi, c'est la scène où c'est filmé. En soirée, je sais pas du tout qui a filmé ça, où il chante une chanson pour Agnès Jaoui. Chialade. Ouais, peut-être ça aussi. Il y a Alain Chabat aussi qui le rejoint à un moment. Très belle. Mais je crois que c'était peut-être ce moment-là. C'était vraiment très beau. Bon, bref. Je vais le regarder ce soir. C'est vachement bien. Franchement, j'ai envie de le re-regarder. Alors, c'est vous dire. Et puis, allez. Non, un podcast. En ce moment, je suis un peu. Je fais une fixette sur Rick Rubin. Le célèbre producteur musical, je sais pas si vous voyez. Quelques albums qu'il a produits ou d'artistes. Toxicity de System of a Down, des Red Hot, Run DMC, les Beastie Boys. En fait, c'est un producteur musical, mais qui est légendaire. Il a cofondé avec Russell Simmons le label Def Jam, qui est légendaire. Et en fait, c'est un gars, il ne sait pas faire de la musique, mais juste, il a produit tout le monde, tous les plus grands. Il a découvert les Beastie Boys, Run DMC et Aerosmith, le morceau. Tu veux dire qu'il a peut-être pas d'oreille, mais il a du nez. Exactement. Oh. Non, il a les deux. Il a les deux. Non, mais c'est vrai qu'il a. Il a dit, ce serait trop bien si vous faisiez une chanson ensemble, Run DMC, Aerosmith ou Walk This Way. Bam, c'est lui. Et en fait, toutes les chansons des Beastie Boys où il y a du métal, parce qu'en gros, le guitariste de No Sleep Till Brooklyn et de. Putain, que la dernière fois j'ai oublié. Fight for Your Right, c'est le guitariste de Slayer, Kerry King, oui, c'est ça. Mais du coup, c'est un podcast où c'est lui qui parle ? Alors, j'y venais. D'accord, excuse-moi. Bon, bref, c'est un personnage. Non, mais il est assez fascinant. En plus, c'est un mec qui est hyper. Enfin, physiquement, il a genre une énorme. Bah, imaginez Dieu. Il a peut-être une énorme bite. Potentiellement. Mais en tout cas, imaginez Dieu et ça dégaine à lui. Et il fait de la méditation depuis qu'il a 12 ans. Parce que, bon, bref, voilà, je vais pas raconter toute sa vie parce que je regarde beaucoup de trucs sur lui. Mais il a un podcast qui s'appelle Broken Record, disque cassé. Mm-hmm. Et c'est lui qui s'entretient avec des gens de l'industrie musicale et tout. C'est en anglais ? C'est en anglais, hélas. Il y a des sous-titres ? Non. Et d'ailleurs, il y a aussi. Elle est bourrée d'humour. Bourrée. Ouais. Livre mort, en fait. Non, et c'est intéressant. Alors, faut s'intéresser. Après, moi, je dis. Bon, ce que je dis toujours. Non, mais même si on s'intéresse pas à la production, à la création musicale, il y a toujours des parallèles à faire en termes de créativité. Ce que disent les gens, je trouve ça hyper intéressant, même si c'est pas le domaine dans lequel on crée. C'est des gens fascinants, souvent. Voilà. Puis on peut toujours extrapoler ce qu'ils disent pour notre propre domaine. Donc c'est assez intéressant. Et le truc que tu devrais dire pour donner envie aux gens, c'est que c'est lui qui a présenté Laurie à Billy Crawford. Mais ils n'ont pas fait de son ensemble, par contre. Donc ça, c'était l'erreur de leur carrière. C'est fou, ça. Ou peut-être l'idée géniale. Non, mais il y a une anecdote. je pense qu'il y a un milliard d'anecdotes, mais une. Mais ils parlent de ses albums ou juste d'albums, d'ailleurs ? Non, ils parlent avec des gens et ils discutent de. D'accord, ok. Il y a aussi. Non, mais qu'ils pourraient presque avoir un podcast entier sur les albums qu'il a produits. Il y a quelques vidéos sur YouTube où on voit ça. Oui, bien sûr. Il y a aussi, d'ailleurs, des vidéos où c'est des entretiens, notamment avec. Kendrick Lamar, André 3000 et tout, dans son studio qui s'appelle Shangri-La, qui est un truc. Bref. L'adores, hein. Mais je l'adore. Ah, tu l'adores, putain. C'est-à-dire que t'as envie d'être lui, en fait. Parce que le mec. Mais attends. T'es un type formidable là. Oui, mais alors. Le nombre de gens qui écoutent cette émission qui aimeraient être toi. Parce qu'ils me connaissent pas. Non, mais c'est-à-dire que. De toute façon, vous écouterez, sa voix, la façon dont il parle, tu sens la sérénité pure. Et non, une petite anecdote, je dis, parce que toi, ça va peut-être te parler. Il a notamment donc produit l'album Toxicity de System of a Down. Bien sûr. Et le mec, le chanteur, j'ai oublié son nom. Serge Tankian, bien sûr. Voilà, Sergio. Il était en train d'écrire la chanson Toxicity. Non, Chop Suey. Vous voyez laquelle c'est? Non, t'as nous deux depuis tout à l'heure, on est en silence total. Arrête, s'il y a un incendie, c'est bien. Ça, je l'ai. Et donc, il était, et en fait, il était bloqué. Il écrivait ce truc, il disait putain, je suis bloqué, j'arrive pas. Ouais. Il y arrivait pas. Et il y a quelqu'un qui lui a dit allez déjeuner chez Rick Rubin. Parce que c'est, il a ce truc. Il avait aussi désintoxiqué Mac Miller, plus ou moins Rick Rubin. Enfin, c'est le mec, bref, un gourou presque. Et Rick Rubin, il lui dit viens dans ma bibliothèque. Il a une immense bibliothèque. Il lui dit prends un livre au hasard. Ça a ouvert un passage secret. Non. La bas de cave. Un peu, mais celui de la créativité. Oh. Il lui dit prends un livre au hasard, ouvre-le à n'importe quelle page, regarde, ça se trouve, ça va t'inspirer. Il le fait, il ouvre et hélas, il me dit je sais pas pourquoi j'ai ça aux yeux de tous, pardon, ne le dis à personne, prends un autre livre. Il a pris Harlan Coben, ne le dis à personne. Il est fort. Non, et c'est un bouquin où il y a, alors j'ai oublié les paroles, mais tu sais, c'est bah c'est con parce que c'est mais non, il mais dit réveille-toi pas... Non, mais c'est Father, why have you forsaken me, qui sont des paroles de chanson. En gros il a dit hey, mais en fait cette chanson elle pourrait prendre une espèce d'accent christique sur la fin, ça lui donne toute une autre dimension et tout, et du coup les phrases qu'il a lues dans le bouquin sont dans les paroles et ça l'a débloqué et c'est devenu un hit de malade qu'Audrey n'écoute pas visiblement. Non, mais je vais le faire aussi en même temps que je regarde Bacri. Donc voilà une petite anecdote au passage, hein, qui n'est pas dans le podcast, mais voilà. Mais il a plein de, c'est Run DMC, effectivement, Public Enemy. En fait, les années 90 ont vraiment été marquées, même autant dans le rap continue, et du rock. Oui, parce que Kanye West, l'album 21. Oui, Jesus, c'est lui. De Kanye. Et 21 de Adèle, c'est lui. Et Chiran, va dans son studio. Qui produisent ou juste qui détendent les artistes qui sont coincés ou qui les inspirent. C'est ça. Parce que tu regardais Dave, je crois que j'avais conseillé dans le podcast. Il y a Rick Rubin dedans. Ok, ouais. Parce qu'à un moment donné, il est en manque d'inspiration. Et il va chez un mec et à chaque fois, il voit un mec qui médite et c'est un sosie. Bah, c'est Rick Rubin le mec. Ok, d'accord. Et génial. Est-ce que c'est un peu le mec que tu rêverais de rencontrer? Franchement, j'aimerais trop. Mon rêve, c'est d'aller juste chez lui parce qu'en fait, il a. C'est beaucoup déjà, mec. Déjà, je te dis, le rencontrer. T'as dit le mot rêve. T'as dit rêve. C'est un contexte. Il y a un. Te dise bonjour quand tu passes dans la rue. C'est pas gagné. Je dis pas que c'est. On est passé peut-être d'un événement à Paris où on pourrait le croiser. Le gars doit t'inviter pour Audrey, le petit déj. On vise la lune pour atterrir dans les étoiles. Donc si je vise d'aller chez lui dans son studio. Si je vise d'aller dans son studio, peut-être je vais le croiser et on va faire un eye contact dans la rue et voilà. Okay. Non mais voilà, mais je sais plus ce que je disais. Non, mais je te demandais si c'était vraiment, le gars que tu voulais rencontrer. Ouais. Mais plus le voir au quotidien, plus que le l'observer. Rencontrer, je m'en branle. J'ai pas envie de dire, super, j'ai regardé une vidéo sur vous. Bah, t'asseoir dans un coin de son salon et lui dire... Eh, tu es une petite souris quoi. Ouais, voilà. Tu baises une petite souris ou pas? Non. Okay. Bon, je me questionne. Je vais lui faire un petit bisou sur le nez. Voilà. Sur le miso. En échange d'une dent, bien sûr. Ça va, quoi. C'est un très bon épisode. Et t'es un enfant, de toute façon, donc. C'est un très bon épisode. Ça va t'arriver. Moi, je vous recommande un film. Alors, attention, pas bonne ambiance le film. Voilà, faut être plutôt dans une joie de vivre. Parce que, de prime abord, moi, je me suis fait cueillir, ce que je savais pas. Des prime abord. Exactement. Le film s'appelle The Art of Self-Defense. Okay. Ah, mais c'est sur je l'ai vu, disons. Alors, tu vas peut-être corroborer à mes propos. Ça ressemble à une comédie sur le papier où tu te dis on va bien se marrer et tu rigoles. C'est une comédie. C'est quand même une comédie très noire et assez glauquie sur pas mal de scènes. Très, et je vais pas spoiler, mais vraiment, regardez-la en ayant la banane à la base. Et voilà, vous allez rigoler, c'est quand même très rigolo. Mais c'est de l'humour vraiment noir et dark. Mais par contre, c'est vachement bien. J'ai adoré ce film. C'est avec J.C. Eisenberg et Imogen Poots. Et c'est en ce moment sur Netflix. Pas un film Netflix du tout, mais en France, on peut le voir sur Netflix. Et c'est sur un mec qui est un peu une victime, qui va rejoindre des cours de karaté pour apprendre à arrêter d'être une victime. Et ce qui est vachement bien dans le film, c'est qu'en gros, ça parle de la masculinité toxique, ouais, et du fait que tu deviens quand même souvent une merde à vouloir écraser les autres, etc. Je vous en dis pas plus. C'est le fait, problème c'est... de la compétitivité en fait dans notre société afin d'exister. Pas pardon. Trop le film, mais oui. Enfin, en tout cas, c'est un sujet dont on pourrait parler également. Non, mais mais c'est vachement, c'est très film d'auteur, c'est-à-dire que le rythme est particulier et tout. Mais il y a l'acteur qui joue le prof de karaté qui est incroyable, qui est vraiment très très drôle et en même temps glaçant. C'est le même que dans Karate Kid ou pas? Pas du tout. Bah je veux pas regarder. Ah bah c'est dommage, c'est vachement bien. Ça se fait pas en fait. Donc nous l'abordage, on doit regarder quoi qu'il arrive et... Sous prétexte qu'il y a ton pote. Ouais. C'est bon. Non, je mais le voilà. Pas tant que ça. Faut pas The Art, ton meilleur ami. The Art of Self Defense, c'est sur Netflix. Ça dure 1h30. Je vous le dis parce que quand je vois 2h30, je vous le dis. J'ai pas le temps, j'ai un enfant. Il est temps aussi que les gens se rendent compte chez eux parce qu'ils disent ouais mais un film c'est trop long, moi je regarde des séries. Quand vous regardez 5 épisodes d'une série, c'est plus long qu'un film. Oui, c'est plus regardez long. Des films, bordel. Ouais, ouais. Excusez-moi. Ouais. C'est ouais. La culture du passé. Ouais. C'est une chronique que je viens d'inventer. Qui en fait confirme. Je confirme. Tchernobyl, c'est vrai que c'est bien. J'ai regardé ah, oui, là. Casa des catastrophes nucléaires, c'est bien. Non, c'est la série. La série et est bien. Bah, voilà. Casa des Papel, c'est trop long. Ouais. C'est vraiment surcoté. Les gens ont dit c'est bien, c'est bien. J'ai regardé. C'est franchement non. Tout le monde le dit. Cela dit, j'ai entendu que peu de gens dire c'est d'accord. Je dis la vérité en fait. C'est toi. Ouais, je les lance. Non pas des alertes, mais des vérités. Et enfin, Fleabag. Oui, très bon. Non, me dites pas. Bah oui, parce que franchement. Casa des Babel, tout le monde disait bah oui. Et c'est de la chiasse. Fin de la saison 1, il y a toujours pas la fin du braquage, je vous le dis. Donc si vous regardez saison 1, on dit oh, oui, la fin du braquage. Non. Dès le premier épisode, il y a un cliffhanger pour que tu restes sur le deuxième. Et dès le deuxième épisode, ce cliffhanger ne sert à rien. T'es même, ouais. Et le premier épisode, ils font ça. Tu dis bah c'est un peu tôt pour que déjà. Oui, premier, après, vous nous teniez avec du vent. Le problème, enfin, le premier épisode, c'est incroyable. Ils n'avaient pas prévu que ce soit culte la première oui, saison. C'est ça, ils pensaient que c'était une petite télé, novella, une petite série à la con. Et en fait, pas du tout, tu vois. Et après ils se sont fait prendre par l'océan du buzz. Non mais après, l'océan du buzz y a c'est mon bouquin que je fais où je dénonce un petit peu. J'ai hâte de dire. Les noms, je dis les gens qui sont pas ouf dans le milieu. Il y a un public quand même, on va pas dire que c'est à chier et tout ça, mais non, moi je m'y retrouve pas trop. Non mais c'est pas ça, c'est que en fait entre le oh ouais. Et ce que c'est j'ai vu, j'étais là. Bon, et je te dis les gens sont redescendus. Donc là c'est juste un passage culture du passé. Mais c'est bien. Mais c'est la vérité. Mais Fleabag en plus ce que j'adore c'est que c'est deux saisons et ça moi j'adore les séries qui font deux saisons. Toi qui regardes pas trop de séries. Parce que je regarde pas trop de séries. En fait je me lasse très très vite. Là je vois ma meuf, elle avait pas vu Lost. Vu que les deux premières saisons. Taf. Elle a tout. Là, elle a fin de saison 6. Mais du coup, la fin, on dit, tout le monde dit que c'est alors, nul moi, alors. Je connais pas la fin, mais il y a vraiment un truc où là, je sens qu'elle lutte. Quoi. Et là, genre, non, bah, faut que je finisse la série. Ouais, quoi. Moi aussi, ça, j'ai moi, ça. Je ne peux pas avoir ce rapport à la culture. C'est impossible pour moi. Donc voilà, moi, c'est vrai que je suis très team film plus que team série. Après, il y a des séries exceptionnelles, mais un film d'une heure et demie. T'es team site surtout. Alors, s'il est dans un film ou une série, tu regardes. Si je mets ma main sur le haut de mon front et que je tire, salut, c'est team site. Salut, c'est team site. Chers amis, ça fait déjà 1h50 qu'on parle. C'est pas vrai. Dernier petit tour de table, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, Aurélien sur ta chaîne YouTube. Exactement, Aurélien Prévost. Tu as fait une vidéo récemment sur le Japon. Oui, voilà. C'est ça. Très cool, d'ailleurs, je l'ai maté entre temps. On en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu. Bah, ça fait plaisir. Et c'était vraiment cool. Si vous kiffez le Japon, vous voulez y aller, mais que vous pouvez pas et que vous êtes triste et que du coup vous voulez y aller à Paris, et bah, regardez ma vidéo. Il y a plein de petits conseils sympas, de petits trucs oui, à faire. Tu à parles Paris. De Sainte-Anne où je vais souvent manger. C'est vrai qu'il y a des endroits délicieux. Voilà, j'ai rien inventé, mais. Non, mais c'est cool. Une petite vidéo qui donne des petits tips. T'as inventé quelques trucs. Mais il a inventé le Japon, hein. Mais c'est ouais, YouTube, Insta, les stories, l'expression le Roi Merlin. Ça va hyper. Ça va hyper. Pourquoi t'es à le Roi Merlin? Parce que je me réapproprie mon appartement bah suite oui. à une séparation. Bien sûr. Et du coup, je vais à le Roi Merlin pour acheter des trucs. Et après, je rentre chez moi, je dis ah, je veux acheter encore ça. Et là, mon dernier achat, c'est à cause de toi, j'ai acheté des ampoules connectées. Ah, c'est génial. Dans le podcast. Régale. Dans le podcast la dernière et fois. Et j'espère des que tu as pris aussi celui qui est à 14 euros. C'est une prise, c'est trois prises. Et t'as une petite télécommande on-off. Et du coup, tu mets les trucs sur ta prise et après, t'es. Ça fait toute la prise d'un coup. Bah, à la place, là, j'ai acheté des télécommandes que je dois, que je peux actionner avec la télé, tu vois. Oula. Ok, mais ça c'est pour tes. C'est nul ça. Je sais pas. T'as dit une télécommande que je peux actionner. Avec... Pardon, ouais. J'ai acheté des ampoules pour changer les chaînes de la télé. Je gère les ampoules directement avec la télé. Tu avais pas une prise. Ah, donc ouais, c'est moi, connecté, c'est mais c'est en fait c'est Bluetooth quoi. Enfin, genre t'as une télécommande. Pas, ouais. Ok. C'est ouais. pas. Toi, c'est téléphone. Tu peux pas les allumer. Genre t'es en. Dire Alexa, allume la lumière quoi. Ouais, tu peux pas faire ça et tu peux pas, si t'es en Espagne, allumer la lumière chez toi. Non, voilà. Rigoler et niquer la planète. Un peu elle plus. M'a dit si vous voulez pouvoir allumer la lumière de l'extérieur et tout, il faut prendre ça. Je disais bah. Ouais. Mon chat n'a pas besoin de lumière quand je ne suis pas là. Donc j'ai acheté la base, j'ai acheté les ampoules. Je comprends. Vous savez d'où ça vient, le Roi Merlin? Le roi Merlin, pardon. Non. Ben, c'est... Le roi Merlin l'Enchanteur. Alors, ça, on pourrait croire, bah, mais non, c'est juste, le roi, juste deux gars qui s'appelaient Le Roi et Merlin. Ça, oui, mais à la base. Donc, moi, c'est non, et toi, c'est oui, en fait. Bah, la bonne réponse. Parce que toi, t'as dit le Merlin l'Enchanteur. Le roi Merlin l'Enchanteur, bah, ça, c'est non. Non. Et le, bah, ah, oui. Donc, pareil, la mauvaise réponse, effectivement, est fausse. Mais Adrien a dit la bonne réponse. Ah, c'est la bonne réponse. Ouais, et donc, du coup, c'est bon. Okay. Voilà. J'avais pas compris. Non, mais ma phrase, c'était à quel moment ils se sont mis à vendre des trucs. Et bien, c'était de la revente de surplus militaires de la Première Guerre mondiale. Mais ah, tout le monde s'en est fait. D'où tu sais ça? Mais parce que je suis grave cultivé. C'est pour ça qu'il y a un rayon baïonnette. Non, et la tout, vraie raison, par contre. Je m'ennuie. Alors, la nuit, des fois, je dors pas. Tu mens d'ailleurs, parfois. La nuit, je mens. Bah, j'ai rêvé de fougère, moi. Bah, tu sais que tu m'as vu dans le Vercors. Sauter l'élastique. Non, non, j'étais juste en balade. Je sautais un élastique dans le Vercors. Comment va ta petite entreprise d'ailleurs? Voilà, alors. Très très bien, malgré le Covid, elle ne connaît absolument c'est pas incroyable. La crise. Ah, Gabi. Audrey, où oui. est-ce qu'on peut te retrouver? Donc deux films qui arrivent en 2022. Oui. Tu reviendras nous en parler. Avec joie. On va sûrement faire un épisode Visiteurs du Futur, le film aussi. Oh là là, voilà, j'ai tellement hâte, je suis tellement contente pour bah François. Ouais. Bah ouais. Oui, donc il y a ça qui sort, juin. La traversée, octobre, visiteur. Le visiteur. Il y aura un film avec Kev Adams et Camille Lelouch. C'est un petit rôle, mais je suis très contente ah, de l'avoir bien, fait. Avec l'ascenseur. Exactement. Ah, trop bien, je n'entends pas. Je suis dans le game en fait. Il y aura Gaël Mektoub aussi. Oh là là. Il n'a pas écrit dessus même, je crois, Gaël. Ah, mais il en sait plus. Oh, c'est un film de Franck Belloc alors. J'allais le dire. Exactement. Exactement. Et voilà. Et ça, a priori, ça sera en fin d'année. Trop bien. Ah, donc on te voit dans trois films. Ça va, Catherine de Neuf. Non mais attends, en vrai je suis trop contente hein, parce ouais. que voilà, on verra ce que ça bien donne sûr, mais c'était sûr. Très très très cool à faire. Plaisir. Et puis après ouais non, la vie en fait, retrouvez-moi dans la vie mais quoi, la merde. Vie, c'est vrai qu'on te retrouve dans la vie. Adrien. Salut Adrien. Il y a Visitors qui va bientôt sortir, j'ai ah l'impression. Ah oui, et Visitors, bien sûr. J'ai l'impression, enfin, je sais oui. pas, je vois en que fait, ça partage des stories, articles. Ouais, voilà, ça... C'est là, c'est oui, bien mais, sûr. Mais il n'y a pas de date, on ne sait pas on trop. Sait pas mais si. Ça y a une date. Bah, attends. Je crois pas hein, qu'il y ait de date. L'article est tombé hein, tout à l'heure. Ouais, mais c'est. Télécal Satellite. Il ne cite ouais. pas le Damien Jouyreau qui est un des rôles principaux. Donc, non, mais la série Visitors, en tout cas, on sait que c'est sur Warner TV. C'est sur Warner TV qui sera accessible sur MyCanal. MyCanal. Voilà, ce qui me faisait un peu peur, moi, j'avoue. Quand non, non, dit c'est Warner Canal. TV, je fais ah bah. Non, non, c'est MyCanal. MyCanal. Je sais pas ce que c'est. Non, non, c'est... En fait, c'est MyCanal. Et donc, dans lequel vous jouez tous les deux. Oui, totalement. Voilà, je, totalement. Voilà. Et j'en suis très fier. Mm-hmm. Une scène de paix. N'en dites pas trop. Mais pas trop, mais. Ton rôle, je pense, doit être incroyable. Enfin, j'ai très hâte de voir. Moi, je connais une réplique de ton rôle. J'espère que tu l'as joué. Je te rappelle que quand on a fait un Il fait tout noir chez Simon Astier. Il t'a écrit une ligne pour ton personnage, ah ouais, les yeux bandés. Y a pas, et y a c'était pas. Pipi, pipi, j'ai pipi. Non, il n'y a pas. Ton personne ne dit pas non, ça. Non, non, il ne dit pas ça. Ah, je suis dégoûté. Mais j'ai une magnifique scène de paix. C'est bien ça déjà. Non, mais je suis. D'ailleurs, vraiment... on parlait d'Eleanor Cost. Vous savez que quand on tape Eleanor Cost sur Google, le premier truc c'est Instagram, puis Plus belle la vie. Et en troisième, le paix. Ah, génial. Du coup, elle doit être fière. Financer son Kickstarter, qui est autre chose, qui remonte un petit peu, voilà, ce serait quand même cool. Non, mais donc très bien. Et peut-être des petits trucs à annoncer bientôt. Je sais pas. Oui, trop, non, mais rien de fou. Là, on s'en fout un peu. Ouais, non, si. Tu puis, sais, c'est très bien. Non, mais si, il faut aussi laisser. Il y a un film bientôt au cinéma qui sort dans lequel tu as un petit rôle aussi. Ah, oui, oui. Les vedettes, oui, effectivement. Jonathan Barré avec Greg. Mais il dit rien. Petit rôle. Non, mais c'était il y a tellement longtemps. Puis il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid entre temps. Non, mais oui, le film Les Vedettes. Qui sort bientôt. Je commence à avoir des gens qui me disent ah, je t'ai vu dans Les Vedettes parce qu'il y a des avant-premières. Puis il a une très bonne gueule dans Les Vedettes surtout. Oh, génial. Mais d'ailleurs, Greg et David qui viendront nous en parler là, trop très bien. Bientôt. Ah, oui, on va bien. Faire un podcast avec eux, ils viendront nous parler du film. Ouais. Et non, puis on peut en parler parce que Yvick l'a dit sur Twitch. Oui, c'est vrai. Le sketch show de Mr. V sur Canal+, qui donc Flo et moi, on est auteurs dessus. On est auteurs. On a même été un peu directeur d'écriture chacun notre tour. Chacun notre tour, voilà. Mais c'est formidable. Parce que moi, j'ai eu un enfant, en fait. Donc il a fallu que j'arrête de le faire. Tu sais, je sais pas si je vous ai dit. Voilà. Non, mais on a fait un c'était important de dire que c'était lui le choix numéro 1. Et que... Non, non, c'était pas pour ça du non, tout. Non, mais j'étais pas le choix numéro 1. Et à la moitié, c'était sketch à toi. Arrête. Non, on a fait ensemble un. Bon, embrassez-vous. On en ouais. parle plus. Il n'y a pas que nous, il y a aussi en auteur quand même Freddy Gladieux, Anis Rally, Vincent Tirel, Lucas Pastor. Et Vic quoi. Et oui, et je joue dedans aussi, donc on va demain là je tourne dedans, tournage. Donc ça va commencer à être tourné, et ça va sortir dans pas très longtemps. Ça sort assez rapidement derrière, et moi aussi j'ai fait un tout petit rôle. Non, mais ça vous verrez peut-être même pas, mais je suis dans mais on a écrit ensemble en tout cas, et on est très content. On est franchement très content de bosser avec Vic, qui est voilà une mais fier même moi perso, enfin moi j'adore Vic, et si tu es d'accord, c'est un, enfin moi je pense que ça va devenir une gigantesque, ce l'est déjà, c'est une vedette de l'humour, mais je pense que le cinéma tout ça va aller à lui et c'est une personne formidable, et en plus c'est quelqu'un de très cool, donc voilà, le sketch show d'Ivic, on vous dira pas le titre tout de suite mais quand ça sortira vous serez très content, je pense, le titre de cette émission. Donc voilà, tu l'as dit, il y a ça, nous, moi aussi, qui est dans les tuyaux. Alors, c'est pas vraiment de la promo, mais c'était rigolo à faire. Donc, moi, j'ai fait 301 vues avec Le Caplin, l'émission de Cyprien, bien sûr. Charlotte Vautier et Pierre Lapin. Et c'est très cool à faire, on a beaucoup rigolé. C'est Le Caplin avec qui j'ai coécrit son spectacle et qui le joue un petit peu partout en France. Je vous laisse regarder les dates sur baptiselecaplin.fr. Il reviendra à Paris en octobre, donc ça, il y a le temps de voir venir. Tu sais que j'étais allée le voir à son tout premier spectacle. Baptiste Le Caplin se tape l'affiche. Oui. Ou dans le... Mais genre au tout début. Parce qu'il avait même 23, 24 et piges. Il envoyait des mails aux gens après pour les remercier d'être venus. Oh, quel gentil. Tu vois, il n'a peut-être plus le après, temps. C'est une boucle, enfin, tu vois, c'est une liste. Tu écris un mail, il envoyait pas un mail personnalisé à chaque personne. Écoute, j'ai tressé les lauriers de Evie que je vais arrêter faire. Arrêtez de construire une légende là. Il est, non, il est super, Baptiste, je l'adore. Tu veux que je retrouve le mail. C'est Paris Rubin. C'est vrai que c'est Paris Rubin. En termes de sérénité, on est quand même à des opposés. C'est vrai que le mot serein n'est peut-être pas le mot que donnerait à Baptiste. Non, mais donc voilà, il y a ça et puis d'autres petites choses. C'est marrant d'ailleurs ces vidéos sur Insta. Et tu as un bébé, voilà. Il ça. Est filmé. C'est toi qui fais un peu ça ou non, pas non, c'est un, non, non, alors putain, merde, j'ai plus son nom, mais non, il fait ça avec un gars qui le filme. En fait, Baptiste, ça le saoule les trucs des réseaux sociaux. Il veut pas faire les trucs de. Hey, salut, retrouvez-moi. C'est pas un truc. Donc on a trouvé ce truc. Enfin, il a trouvé ce truc-là, puisqu'en fait, il est plutôt marrant ou naturel quand même, Baptiste. Donc en fait, il est suivi en tournée avec un gars, il dit des conneries à la caméra et derrière, le gars fait un montage. Petit docu, quoi. Voilà, petit espèce de. En tournée. Et du coup, c'est cool. Je trouve que ça parce que lui il déteste dire des blagues qu'il y a dans le spectacle ou même dire de quoi ça va parler, c'est vraiment un truc qui le rend fou, donc voilà, en tout cas son spectacle il le joue partout. Super. En France et même en Belgique là je sais. Vous passez vers Biarritz, tu sais pas? Je crois qu'on on doit passer vers Biarritz. En fait là c'est très relou, c'est les villes où en gros sur le nom il n'y a pas écrit la vraie ville, il y a écrit la petite ville moins connue. Bien sûr. Non mais je peux parler de Bourgogne. Il a joué à Chenov, le mépris. Il a joué à Chenov, mais c'est Dijon, c'est à 5 minutes de Dijon, mais il joue à Chenov. Merde. Donc voilà, souvent c'est des trucs comme ça. Il y a Jérôme Niel aussi qui prolonge son spectacle. Et qui joue et qui est en tournée aussi, Jérôme Niel. Et qui part en tournée, exactement, part en tournée. Exactement, pardon. Voilà, plein de choses, souhaite tu, regarder. Tu l'as vu Jérôme sur scène? Pas tu as encore. Vu son spectacle? Vachement. Il me tarde. Voilà. Ah, tu nous diras. Régal. T'enverras un texto puis je leur dirai en montage. C'est incroyable, parce que c'est exquis. Ouais, c'est vachement bien. Bon bah voilà chers amis, bah écoutez c'était très cool. On s'est pas terminé. Ah, si, si, oh non, c'est pas que c'est terminé. Bah, il faut manger maintenant. Il faut aller manger, il est déjà 22h20. Oh merde. Et moi je dois monter cette nuit en plus de gérer, je sais pas si je vous en ai parlé. un petit être. Voilà, bon merci tout le monde, bisous merci les gars, à ciao. Vous. Bisous. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.